Oh, yeah. Hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Quebec. Bonjour tout le monde, il est présentement... Il y a un YouTube qui roule, là. C'est le mien. Hein? C'est fermé. C'est bon. Il est présentement 9h09, mais vous nous écouterez dans le futur à cause du lag. Et on est avec un nouveau setup, gracieuseté de Mathieu, qui est notre invité spécial. Aujourd'hui, on a une bonne caméra, tout s'est bien passé, mais on testait des petites nouveautés. On a aussi notre ami Benoît Mercier, qui t'as 2 semaines de vacances, tu savais pas quoi faire, fait que t'es venu fucking faire le Twitter. J'étais obligé de faire le Twitter. À chaque fois que j'étais au Mac Québec, c'est le Twitter. C'est le Twitter. Excellent. Donc, vous êtes à cette édition spéciale Mr. Freeze ou Barbecue ou Garden Party ou des Kiwis et des Hommes de Mac Québec. C'est une édition spéciale qu'on a décidé de faire parce qu'on s'ennuyait de vous, parce qu'on a rencontré Mathieu vers la fin de la saison de podcast. Puis on s'est dit, tiens, on veut faire quelque chose avec lui. On veut parler de Macro. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, excellent. Il y a des nouveautés aussi, évidemment, après le WWDC, il y a des nouveautés, d'autres informations qu'on a suite au WWDC qu'on va partager avec vous. Et puis, je vais vous présenter... C'est encore le fond d'écran, tu peux-tu shooter sa caméra? On est sur sa caméra. Ah, OK. Il y en a qui en ont pas. Refresh. C'est bon. Tout le monde est là. Excellent. Puis on a décidé de faire ça. Nous, on est debout. Vous, gang de paresseux, vous êtes assis. Donc, je vous présente les collaborateurs aujourd'hui. On a d'abord Mathieu Marano. Du Front de Libération. Non, c'est pas lui. C'est le Front Créatif Montréal, anciennement connu sous le nom de Final Cut Montréal. Mais comme maintenant, vous ne faites plus juste du Final Cut, vous faites tous les logiciels d'édition vidéo. Ouais. Tout ce qui touche à la vidéo, en fait. Moi, c'est prod, un peu dans le design graphique aussi. On va essayer de toucher un peu à du InDesign, à faire un peu d'animation 2D, VFX, puis toujours ce qui est montage. Tu peux me permettre une super publicité d'ailleurs sur YouTube où vous jouez au poker avec des cartes de Adobe et autres logiciels. C'est une très belle réalisation justement. merci, c'est ma déesse. Je les ai imprimés sur mon imprimeur. Je les ai découvert. Très bien fait. Merci. On t'a découvert récemment, en fait. Tu sais, moi, Final Cut Montréal, c'était quelque chose de loin, mais c'est un produit que vous offrez sur Internet qui est complémentaire, je trouve, à Mac Québec, où nous, on est complémentaire à vous, le contraire, là, mais c'est une aile spécialisée, en fait, des produits Apple, parce que souvent, ça se fait, on ne se le cachera pas, ça se faisait, en fait, non, jusqu'à tout récemment, beaucoup sur Apple, de moins en moins. Bien, en fait, on couvre plein d'applications qu'on peut travailler sur un Mac, déjà. On couvre aussi les applications créatives d'Apple. Ça veut dire Final Cut 10, maintenant Logic Pro 10, avec tout ce qui est Motion Compressor, Aperture, tout ça. Excellent. Puis comme on va essayer de faire de plus en plus de vidéos, évidemment, c'est sûr qu'on va être body-body avec toi, puis qu'on va te donner Mr. Freeze. C'est comme ça que je me fais des amis. Il y a personne qui en a en ce moment. Les ciseaux sont trop loin. Ouais. On va faire une tournée de Mr. Freeze plus tard. À l'entraque, voilà. Jean-Michel, nouveau collaborateur des derniers épisodes de Mac Québec, qui est le polémiste, il faut le dire. On n'utilisera pas de nom, parce que tous les polémistes sont comme du mauvais bord. Mettons le Jean Barbe de Mac Québec, qui soulève en fait les questions essentielles, puis les crosses fondamentales dans le domaine des communications. Là, on ne parle pas des affaires de Pat Vaillancourt ou d'autres choses, mais... voilà le polémiste de Mac Québec. Ça va bien, Jean-Michel? Ça va très bien, merci Alexis. Depuis le c'était le 10 juin passé. Oui, c'est ça. Travail, fini les études. Oui, surtout études là, pour le mois de juin, puis travail là, maintenant. Mais je commence à profiter des vacances un petit peu. Puis évidemment, tu te fais suer comme tout le monde avec une température complètement ridicule. Arrêtez exactement d'utiliser du spray net, sérieux. Benoît Mercier, des Mystérieux Étonnants. Oui. Tu sais qu'à chaque fois que je dis ton nom, je dis tout le temps Benoît Mercier, des Mystérieux oui Étonnants. Et si je dis juste Benoît Mercier à ma blonde, genre je m'en vais chez Benoît Mercier, elle sait pas c'est qui. Faut que je dise Benoît Mercier, des Mystérieux Étonnants. C'est comme ton titre. Ben, j'aime ça. C'est après 7 ans et demi, ça finit par rentrer. Oui, c'est ça. Voilà. Puis il y a deux trop trucs avec mon fils qui sont drôles aussi. On s'en parlera hors d'onde. Jean-François. Oui! Ça va bien? Oui, toi? Oui? Oui. Tu tiens à des endroits qui ont des airs climatisés ce temps-ci? Non, parce qu'elle a lâché aujourd'hui à job, fait que... Jean-François, c'est mon voisin. Oui, c'est fait, ça. Il travaille un emploi qui est à côté de chez nous. OK. Peut-être, faut le dire, tu vas acheter tes capotes. Chez lui. Ben oui, on peut le dire. C'est ça notre commandiste de section? Ben, attends, j'ai un segway ici. On aimerait remercier les vidéos et boutiques Sex Plus qui ont lancé le podcast pour nous envoyer au WWDC. On les remercie, on a envoyé Vincent à San Francisco. C'est un segway, man. Tout est connecté. Il avait envoyé la compagnie aussi, je savais? Non. Les mains vides? En fait... Juste après le WWDC, le 12 juin, il y a la grosse convention porn à Las Vegas dans une venue pas trop loin. Ouais, ben il y a un film de ça, là, ça ouais s'appelle Girl Next Door. Oui, je pense que... Puis, ouais. En tout cas, moi j'essayais de me... C'est pas que j'écoute ça souvent, là, mais c'est juste que je l'ai vu. J'essayais de me choper un voyage à San Francisco avec le gars de vidéo et boutique Sex Plus qui lui serait allé là, fait qu'on aurait fait comme deux pour un. Ça aurait été carré. Nous aussi, à chaque année, quand on va à Las Vegas pour le NAB, en même temps, il y a la convention de lingerie. À la même place? Non, mais... Ben, en fait, il y a un des gros événements qui est dans un des hôtels. Puis il faut traverser tout le salon de lingerie pour arriver. De toute façon, quoi de mieux que de la dentelle très très fine pour tester la qualité des nouvelles caméras 4K oui à restituer oui, les détails. Le piqué d'une dentelle. Quoi de mieux? on est un podcast de Nouvelle Mac. Oui, c'est ça. On aimerait vous le rappeler. Il y a un concours sur le site de Mac Québec actuellement. Vous pouvez gagner une carte de 100$ pour la coop informatique de l'UQAM. Et si je ne me trompe pas, ça finit demain. Ou c'est déjà fini. Mais attends, renseignez-vous, c'est sur la page Facebook de Mac Québec. J'ai remercié déjà Boutique et Vidéo Sex Plus. Je vais rapidement faire le tour de nos commanditaires qui nous ont aidés pour le podcast WWDC qui nous soutiennent tout au long de l'année. Donc, ClickPom pour la place illuminée, l'électricité, l'Internet et surtout l'air climatisé aujourd'hui. Oui, très... C'est apprécié. Très bienvenue. Coop UQAM, qui nous a fourni, en fait... Qui nous fournit encore ce soir. Le concours, le iPad que Benoît tient. Scrap l'est pas, il est pas à nous. Ouais, il est pas nous autres. C'est pas tes clés sur l'écran Gorilla Glass. Il y a pas. Trop tard. Reptile Tech, qui a fait une job complètement cinglée pour le site web de Mac Québec. C'est grâce à eux, en fait, que le site a tenu avec les millions de personnes qui sont venues dessus la journée de la WWDC parce qu'évidemment Apple ne diffusait pas en direct l'événement. Et si vous avez écouté la WWDC, notre événement à nous et non pas celui d'Apple, vous avez vu qu'on avait du swag. On oui était très bien habillé et c'est Production Extrême qui nous a fourni les chemises avec nos commanditaires dessus. On a l'air d'une gang de pit stop de F1 puis je trouve ça très cool, la couleur était cohérente. Puis tout? Hein? T'as-tu les casques? Non, on n'avait pas les casques. On laisse ça à Daft Punk. Whatever. Fait que... voilà, et on les remercie gracieusement de leur collaboration. Sans messieurs, est-ce qu'il y a des nouvelles? Non, on va commencer par un coup d'ose, coup de dose. Est-ce que rapidement, quelqu'un... Est-ce que tu sais c'est quoi un coup d'ose, coup de dose? Vas-y, non. OK. En fait, c'est une pâle copie de ce que les gars de l'analyse des geeks faisaient avec les Epic Fail, Epic Win. Donc, nous autres, on s'est dit que pour pouvoir parler en dehors un petit peu des champs Apple, parce que, tu sais, à force de parler d'Apple, à un moment donné, tu t'écœures, bien, on allait faire un coup d'ose, qui est un bon coup de quelque chose qu'on a trouvé dans les deux dernières semaines, et un coup de dose, qui est plus comme un coup de dose. Fait que, mettons, un coup d'ose, ça pourrait être pour, je sais pas, je vais faire une petite plug pour le blog de Lynn Sainte-Marie, qui est un... La Tornade Rousse. La Tornade Rousse, qui est un blog live. On la salue. Qui n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais elle a tellement une belle personnalité, c'est tellement une fille... On a du fun avec sur Twitter. Exactement. Que je vais de temps en temps sur son blog, qui a été fait par Yann Thériault, en fait. Donc, on les salue. Coup de dose à son beau projet. Puis, coup de dose, tiens, ça pourrait aller à qui? Je sais pas, là, Yann, a des affaires dernièrement, là... Ah, ben... Ou aujourd'hui, on a vu avec PayPal, un charmant monsieur a eu dans son compte PayPal 92 millions de milliards de dollars. C'est vrai? Oui. Fait que moi, j'aurais fait une genre de syncope en ouvrant mon compte de banque PayPal, en voyant 92 millions de milliards. Il y a eu un problème d'algorithme chez PayPal. Fait que c'est comme... ça fait 0 en tabarnak. Ça fait un coup de 12? Ben, pour PayPal, parce que c'est moi, imagine, non, tu vois ça. Un pourcentage de ça, leur chiffre. Ouais, mais là, imagine 92 millions de milliards, il n'y a pas un chat qui peut subventionner ça. Les vacances, en fait, pour certains, sont finies. Et pour FDL, en particulier, qui a terminé ses vacances et qui rapidement nous a monté une petite capsule. On va donc vous présenter ça en début de show. On sait que Apple a été poursuivi par le gouvernement américain pour des lois antitrust, par le département antitrust, en fait, pour... c'est un complot afin de jouer avec les prix, de stabiliser les prix des e-books à l'encontre d'Amazon. Déjà, le système d'Amazon me semblait crosseur, ça avait l'air de dumping de livres. Puis là, c'est Apple qui se fait rentrer dedans. Fait que évidemment, c'est le premier procès qui est terminé. Et FDL nous explique ça. Donc, on vous donne, c'est une petite capsule de 5 minutes. Salut Mac-Québec, ici FDL. Il y a quelques semaines, Apple a été condamné aux États-Unis pour violation de la loi anti-monopole dans le dossier des livres électroniques. Une violation des lois anti-monopole aux États-Unis, c'est sérieux, c'est gros, ça arrive pas très souvent et en général, quand ça arrive, ça fait très mal. Dans le cas qui nous concerne, l'affaire est pas terminée, Apple va aller en appel, ça va certainement traîner pendant des années devant les tribunaux jusqu'à la Cour suprême, probablement, mais pour la première instance, Apple a été condamné et ça peut avoir des conséquences à long terme. Si vous avez pas suivi ce dossier-là, je ne vous blâme pas, c'est d'une raideur et d'une lourdeur terrible. Alors, je vais donc vous en faire un petit résumé rapide pour savoir à quoi ça amène et qu'est-ce que ça pourrait provoquer à long terme. Pour bien expliquer toute cette histoire-là, il faut remonter de quelques années dans le passé, lorsqu'Amazon a lancé le Kindle et a commencé à vendre des livres électroniques sur Amazon.com. pour 10 $, soit une fraction du prix du livre en papier qu'on pouvait acheter en librairie. Les gens aimaient ça, les consommateurs trouvaient que c'était le fun d'avoir accès à des livres facilement, rapidement, sans se déplacer et pour une fraction du prix. Les libraires trouvaient ça pas mal moins drôle parce que tout d'un coup, leur livre à 30 $ ou à 35 $ devait compétitionner avec une version électronique au tiers du prix. Et les éditeurs de livres, eux autres, trouvaient pas tellement l'idée géniale non plus. Parce que même si Amazon payait le plein prix de gros aux éditeurs pour avoir le droit de vendre les livres, par exemple, Amazon pouvait payer 12 à 15 $ à un éditeur le livre électronique qu'ils allaient revendre à 10 $ donc à perte, ben du côté des éditeurs, on se disait, si les gens s'habituent à acheter des livres à 10 $ il n'y a plus personne qui va vouloir payer 25-30 $ pour les livres en papier, donc même le prix des livres en papier qui se vendent ailleurs dans les autres librairies va devoir baisser en conséquence pour rester compétitif. Pourquoi Amazon vendait les livres électroniques à perte, je le sais pas. C'est difficile d'entrer dans leur esprit pour le savoir. Est-ce que c'était pour implanter le Kindle, pour encourager les gens à entrer dans l'écosystème et peut-être pour tuer la compétition à long terme et ensuite remonter les prix plus tard? On le sait pas. Toujours est-il qu'un livre électronique, une fois que c'est créé, en vendre un ou en vendre 100 millions, ça coûte pas plus cher, il n'y a pas d'impression à faire, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de gestion d'inventaire. Donc, pour le consommateur, c'est très difficile de s'imaginer pourquoi est-ce qu'un livre électronique devrait coûter aussi cher ou presque aussi cher qu'un livre en papier. Et c'est là que le problème commence. Parce que lorsqu'Apple est arrivé dans le décor avec le iBook Store, ils ont adopté un modèle d'affaires complètement différent. Plutôt que de dire aux éditeurs « Vendez-nous vos livres à un prix donné et nous, on le revendra au consommateur au prix qui fait notre affaire », on va plutôt utiliser un modèle d'agence. On va travailler à commission. Donc, vous allez choisir le prix de détail auquel le livre va être vendu au consommateur et nous, on va garder 30 % comme on fait pour la musique ou les films sur iTunes. Ce qui est pas mal en soi, loin de là, sauf que selon le jugement, les 6 principaux éditeurs aux États-Unis, avec l'aide d'Apple, auraient comploté à ce moment-là pour faire monter les prix des livres électroniques partout, en même temps faire monter les prix des livres en papier et un petit peu escroquer le consommateur en montant un cartel du livre. L'ironie là-dedans, c'est que du côté des éditeurs, c'est pas forcément plus payant de travailler sur ce modèle-là que travailler avec Amazon comme ils le faisaient dans le passé. Parce que, par exemple, si on vendait à Amazon un livre à 15 $ qu'Amazon revendait à 10 $, ben, l'éditeur encaissait quand même son 15 $. Tandis que maintenant, si on a un livre qui est vendu au consommateur à 15 $ sur le iBook Store et que Apple prend 30% du prix de détail, ben, ça veut dire que l'éditeur doit se contenter de 10 $. C'est pas plus avantageux. C'est pas plus avantageux pour les auteurs non plus. Les auteurs sont habituellement payés sur une portion des royautés ou des revenus qui vont à l'éditeur. Et pour avoir publié moi-même 4 livres sur le marché américain, je peux vous garantir que la dernière personne qui voit de l'argent lorsqu'une augmentation de prix arrive dans le domaine du livre, c'est bien l'auteur. Finalement, les seuls qui encaissent plus de cash, c'est Apple et même Amazon, qui n'a plus le droit de vendre à perte ou à peu près pas. Donc, les détaillants en ligne majeure font des sous, les libraires en font pas plus, les éditeurs en font pas plus, les auteurs en font pas plus. Et du côté des consommateurs, ben, ça nous coûte plus cher parce qu'on se retrouve dans certains cas avec des livres électroniques qui coûtent aussi cher, sinon plus cher que la version en papier, ce qui est absolument révoltant. Comment toute cette histoire-là va se terminer à long terme, c'est très difficile. Et on peut quand même assumer que les pratiques monopolistiques ou quasi-monopolistiques qui ont été adoptées dans le marché du livre au cours des dernières années par les très grands éditeurs vont disparaître. On va revoir à ce moment-là une baisse du prix du livre électronique, une augmentation de la marge de différence entre le prix du livre électronique et le même livre en papier. Donc, le livre électronique va redevenir plus compétitif. Et peut-être que de notre côté, nous, les consommateurs, on aura l'occasion d'en acheter plus. Parce que, faut le dire, depuis quelques années, depuis que le iBook Store est arrivé, ben, j'achète moins de livres, même sur mon Kindle, parce que ça ne me tente pas de payer 35 $ pour un livre électronique quand je peux avoir le même livre en papier pour 30 $. Donc, à long terme, je pense que ce sera une bonne chose pour le marché du livre électronique, pour les consommateurs, et les autres intervenants vont devoir s'habituer. Ici FDL, pour Mac-Québec. Bonjour. Donc, on est de retour. On remercie FDL pour cette explication beaucoup plus claire que ce que, personnellement, j'aurais pu le faire. Et, ce qu'on comprend, c'est que Apple s'est arrangé pour faire de l'argent sur les livres qu'ils ne vendaient pas. Et maintenant, ils en font. Donc, ils se sont un petit peu tapés ses doigts. Je pense qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Mathieu. Une des grosses annonces, en fait, que beaucoup de gens attendaient au WWDC, c'est de savoir... En fait, c'est une machine qu'Apple a annoncée, qui est le Mac Pro. Mm-hmm. Et c'est pas juste la machine qui est intéressante, en fait, pour les observateurs de cette scène-là. C'est de savoir où Apple s'en allait avec la scène professionnelle. Mm-hmm. Parce que le Mac Pro datait de 2008-2007 comme machine. Les processeurs... En 2010, le processeur... Exactement. Donc, ça date, même si ce sont des machines qui sont encore excessivement performantes par rapport à, par exemple, un iMac. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de travailler avec un Mac Pro, et le Mac Pro va être capable de faire des choses que même le iMac de dernière génération ne sera pas capable de faire, mais il y en a de moins en moins. Oui, il y a un switch. Moi-même, en fait, quand je suis retombé à la pige, il fallait que je m'achète un kit Pro. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, je vais me laisser un 6 mois, puis je vais m'acheter un iMac en attendant, avant que les Mac Pro sortent. Ça fait plus que 2 ans. OK. fait que je me suis acheté un iMac. J'étais grandement impressionné par la performance d'un iMac. Juste une seconde, je sais. Oui, OK. Le son rentre. C'est bon. Le son rentre? Oui. Je m'approche plus? Oui. Ce que je fasse? Ouais, je m'accote? Approche. C'est une édition d'été, hein. Fait que si vous entendez un air climatisé en arrière puis qu'on mange des popsicles, là, c'est parce que... T'as regardé dans les yeux? Ouais, vas-y. Fait que... ouais. C'est ça. Fait que, en fait, les iMac, ils ont fait un boot, mais il y a beaucoup de boîtes. En fait, dès que t'es une boîte plus sérieuse, plus grosse, ou... Ben, t'as des. Mettons une salle de montage et tu dois avoir ton ordinateur dans une salle des machines. Oui. Ben, comme tu peux pas séparer ton écran de ton ordinateur avec un Mac, c'est déjà quelque chose de plat. Mais il faut un Mac Pro. OK. Donc, puis aussi, c'est des outils, les Mac Pro, qu'on peut vraiment mettre à sa main, qu'on peut customiser, qu'on peut mettre les cartes qu'on veut dedans pour faire exactement ce qu'on veut. Puis pour... En fait, on pouvait. Ouais, ben en fait on ouais, c'est ça, on est dans une drôle de période en ce moment. Les vieux macros sont plus disponibles. Mm-hmm. En Europe, ça faisait un petit bout qu'ils étaient plus disponibles à cause d'un de loi environnementale. Ouais, sur les fans. c'est un bidule dans fan qui était fait avec un produit que tu n'as plus le droit d'utiliser en Europe. C'est ça. Fait que ben là, on s'est demandé un peu, on a eu la phase de Final Cut 10, fait que là, tous les pros vidéo ont comme pris la claque. Mm-hmm. On s'est demandé, bon, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'on a besoin d'un câlin d'Apple pour nous dire, oui, on vous aime encore. Restez, ouais, partez pas sur Avid avec des grosses machines PC, ben, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, on savait pas où ça s'en allait. Et là, ils ont montré... Ça, Worldwide Developer Conference, ils ont montré le nouveau Mac Pro. Ben, on s'y attendait autant qu'on s'y attendait depuis 3 ans. Parce qu'on était tous devant notre écran à attendre ce qu'ils montrent. Il y a du monde qui pensait qu'on allait avoir une machine qui est modulable. On avait vu des prototypes qui étaient, ma foi, très laids sur Internet, d'une espèce de Mac Pro séparé en slide sur lequel tu pourrais ajouter des trucs. C'était vraiment laid. Ça avait l'air d'une râpe à fromage Lego. Là, c'était un peu ça. On avait vu quelques heures avant la WWDC une espèce de cube noir, un monolithe noir. Et finalement, en fait, Apple nous a proposé un cylindre noir. Oui. Donc, Johnny Ive qui a décidé d'aller tout en courbe avec une machine qui est impressionnante sur papier, qu'on attend encore, qui va sortir en automne prochain. Mais il y a quand même pas mal d'informations à donner sur cette machine-là. Oui. Donc, on peut faire le tour. Excellent. Donc, on parlait de la canne en question. Fait qu'elle ressemble à ça. Ouais. C'est le nouveau Mac Pro qui va être disponible en automne. Les specs, rapidement, oui, on a 2 GPU, donc 2 cartes graphiques à l'intérieur. C'est pas des cartes graphiques grand public, c'est des cartes graphiques professionnelles. Non, c'est des Fire Pro d'AMD. OK. C'est leur série Pro, un peu comme les Quadro d'NVIDIA. Mm-hmm. Ça fait longtemps qu'ils ont les Fire. D'après ce que j'ai lu, on ne sait pas encore le modèle exact qu'il va avoir dedans. Ce serait possiblement un modèle exclusif à... au Mac Pro, c'est pas un modèle qui est disponible. C'est ça que je disais. Parce que annoncer en fait un modèle que tu mets dedans à peu près 6 mois avant que tu le mettes dedans, c'est un petit peu se tirer dans le pied. Apple, fait qu'ils savent que c'est la gamme. On aurait en exclusivité la gamme, la prochaine gamme de AMD. Okay. C'est des cartes qui se détaillent, une FireCore. C'est une FirePro, ouais, c'est cher. Combien rapport, cher? Dans plusieurs milliers de dollars. Là. C'est vrai? Oui, oui. Ah ouais? Oui. Okay. Fire Pro, ben, des modèles qui ont montré, je pense qu'ils ont parlé d'une 5000, quelque chose du genre. OK. Fait que oui, c'est le même prix qu'un présentement un Mac Pro. Mettons que le dernier Mac Pro gris que tu peux acheter. Il y en a 2 dedans, puis on parle d'une carte à 3000$. Fait qu'on a déjà comme... Parce que la grosse question du produit, c'est ça va être quel prix. C'est fait ça, qu'on va aller avec les trucs. Fait qu'on a déjà 6000$ de carte vidéo à l'ordinateur. Exactement. Continuons. Bon. Après ça, on a des disques flash sur une interface PCI Express. OK. En ce moment, ces disques-là sont sur une carte, sont sur une entrée SATA. Ouais. SATA 6 GB, mm-hmm. j'imagine. Mm-hmm. Ouais. Et elle est saturée, cette interface-là, ou... Pas en ce moment, non. Pas sur un MacBook, non. C'est pas OK. Saturé. Mais il y a un gain de vitesse quand même à être sur le PCI Express. Bien, savoir avec... Là, c'est vraiment des... Ça va être, je pense, une autre génération de disques flash. Mm-hmm. C'est, en même temps, c'est un disque, ce ne sera pas un disque de travail, ça va être un disque d'accès, un disque système. Est-ce qu'ils vont vraiment mettre des grosses capacités pour pouvoir s'en servir comme RAM disk, okay, pour pouvoir faire rapidement des rendus sur ce disque-là au lieu de faire des rendus en RAM? OK. Puis nous permettre de faire ça plus rapidement, peut-être. Peut-être que les... peut-être pouvoir le faire aussi pendant que tu fais d'autres choses. Ouais, fait que si ta RAM est libre, puis ton processeur, tu peux continuer à travailler. Ça va peut-être changer peut-être du monde que, comme moi, mettons, qui devait avoir un disque système et un disque de travail. Maintenant, on va voir. Il y a plus de choses qu'on va pouvoir faire peut-être sur le main disque. OK. Fait que c'est une des choses qu'on va pouvoir faire. Excellent. Puis, fait que c'est ça. Donc, ça, c'est le disque dur. Après ça, ben, il y a deux processeurs Xeon. Juste une petite seconde. Ouais. On était à 6000 pour les deux GPU. Admettons que Apple met un PCI Express, un disque dur de 512 gigs. Ouais. On va mettre le prix autour de 500 $ pour le disque dur. Ben, je pense Apple est déjà reconnu là, pour vendre de la mémoire flash plus chère que ses compétiteurs. Là. Effectivement. Donc, 500, c'est quand même un prix qui est conservateur, ouais, par rapport à ce qu'Apple peut vendre. OK. Mm-hmm. Puis, on est au prix de détail avec des marges qui sont beaucoup plus petites pour les revendeurs. Donc, il va falloir rajouter un pourcentage à la fin. Donc, on est à 6500. On continue. Les deux processeurs Xeon. OK. Qui vont être qui peuvent aller génération. Jusqu'à 12 cores, qui ne sont pas encore annoncés non, ou sortis. C'est ça. OK. Fait que ça, c'est point d'interrogation, mais on a deux, puis on a pas 12 cores. Fait qu'il y a plusieurs applications qui vont pouvoir se servir de ça, soit plusieurs applications qui vont pouvoir travailler avec chacun un cœur ou avec des Grand Central, tout ça, pouvoir dispatcher facilement. Est-ce que les applications de travail vidéo ont été optimisées au niveau du Grand Central Dispatch au niveau, ou de l'utilisation des cœurs? Est-ce que... Final Cut 10, oui. OK, bien évidemment. Avec Compressor, depuis longtemps, il y a une espèce de workaround maintenant qui est bien établi et que Compressor va prendre plusieurs identités, va se diviser en plusieurs applications et va distribuer une partie de la charge à chacune de ces mini-applications pour chacun des cœurs. OK. C'est cool. C'est comme ça qu'Apple l'a programmé plutôt que de le réécrire. Oui, en fait, il fait c'est comme si on allait distribuer notre processing sur plusieurs dans un render farm, mm-hmm, sauf qu'au lieu d'aller sur plusieurs ordinateurs, ben il c'est va sur chacun des processeurs chacun de notre ordinateur. Ouais. Donc, plus on a de core, mieux c'est. Oui, puis ça va avec la RAM aussi, parce que chacun des processeurs va stocker sa partie de vidéo qu'il va travailler sur une partie de la RAM. Excellent. Donc, oui, plusieurs processeurs, plusieurs cœurs, c'est très bon. Puis, fait que là, on est rendu à combien? Là? Ben, un processeur Xeon, actuellement, ça peut se détailler autour de combien? Là? C'est facile, un 500-600. C'est comme il faut. On va vous laisser regarder ça, là, Tiger Direct ou NCIX ou whatever. Là, mais, 244 ici. Ah, 244. Ben, j'en ai un à 1199. Ouais, ben là, ça doit être un 23 cœurs. Ouais, fait mettons entre les deux, fait 600 $ mais si on en a deux, ça fait 1200. Ouais. Donc on est à 6500, on rajoute un 1200, on est à 7700. Continuons. Good, on vient. Je sais que le monde nous voit manger nos Monsieur Fritz. Oui. Donc on est revenu. Thunderbolt 2. Thunderbolt 2. Oui. Fait que c'est combien qu'on chiffre? C'est pas. Ben, c'est sur la carte mère, tu sais. Fait que c'est. Il n'y a pas vraiment de prix pour ça, ni pour le USB, ni pour le HDMI, ouais, ni pour le 2 GB. C'est vraiment c'est le prix de la carte mère. Des cartes mères qui ont du Thunderbolt, c'est pas en bas de 150 $ mais on peut dire qu'Apple va mettre une carte qui vont chiffrer autour de 300 si tu as à la remplacer. Ils ont refait la carte aussi parce qu'on voit que le module il est comme rond. Fait qu'ils ont dû curver quelque chose pour qu'il rentre. Non, il n'y a rien de curvé dedans, mais elle est petite quand même. C'est droit, mais il y a tout l'appareil, le centre, le cœur qui c'est un triangle. La chaleur. C'est ça. Ouais. C'est un triangle qui est au milieu, une fan qui est au-dessus. C'est quand même assez bold comme move pour dissiper la chaleur. Ouais. Est-ce que ça va fonctionner ou ça va fondre comme un cube? Ouais, hein? J'espère ouais, qu'ils vont avoir fait. Je pense qu'ils ont fait leur devoir là-dessus. Ils veulent plus se faire avoir. Puis il y a déjà des places qui ont des serveurs, des render farms ou des serveurs web qui ont déjà commencé à afficher qu'ils allaient avoir des Mac Pro. Puis ils ont déjà mis plein de Mac Pro. On voit des render farms, des. C'est vrai? Oui. Mais comment ils les installent? Oui. Fait que tu vois juste les ronds, les dessus. Bien, la journée où c'est sorti, moi j'ai dit, on se part une compagnie, puis on fait des racks 3U, ça doit être à peu près de l'épaisseur. Mmh. Et tu es obligé de les charger en glace sèche. Parce que quand tu enlèves le Mac Pro puis tu es obligé de le tourner comme un device nucléaire, tu veux qu'il y ait de la boucane qui sort. Puis tu peux en mettre trois. C'est la trappe dans Ghostbusters. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On vient tous de la même place. Là, mais tu fais un device de même. Puis là, le monde, ils font comme pour 500$ de plus, on peut acheter le racking qui fait de la boucane quand on sort le Mac Pro. Une fois aux 3 ans, ouais. Tu sais, mais ils vont l'acheter, je suis sûr. Yeah. Ça va être écœurant. Donc, Thunderbolt 2, USB 3, c'est normal, on s'entend. C'est normal, mais en même temps, c'est tout. Ouais, vu de même. Tu sais, il y a ces deux connexions, on a pu. Bon, c'est sûr qu'il n'y a plus de Firewire. Non. C'est parti depuis longtemps. En vidéo, on s'entend. Là. Vous tournez sur d'autres choses. Les gens ont en majorité adopté le protocole Thunderbolt. Non, mais je veux dire, même sur les MacBook Pro, ouais. Les Retina, tout ça, il n'y a plus de Firewire. Non. Sur les nouveaux iMac. Ben avec des adaptateurs. Oui, c'est ça, avec ces affaires-là là, qui débarquent seules. Oui, c'est ça. Ou un truc que tu as toi-même, qui est un appareil de Belkin. L'Express Dock de Belkin. Qui est intéressant, qui est cher, par contre. Ben, qui est 300$. Ah, OK, 300. Qui est 300$. Puis, déjà, moi, avant de l'acheter, j'avais perdu 3 adaptateurs à Apple. À 45$ chacun. Oui. Fait que. 150, 135$. J'avais acheté au début, si je voulais. Il était déjà annoncé. Oui. J'avais voulu l'acheter, mais. T'aurais économisé. Oui, j'aurais économisé. Bon. Cette semaine, en fait, si on y va un petit peu dans les nouvelles, le Thunderbolt 2, c'est une interface qui transfère 20 gigabits par seconde dans les deux sens. Ouais. Cette semaine, Acer a annoncé, puis il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a eu des articles qui ont été écrits à propos de est-ce que le USB 3 empêche l'adoption mainstream du Thunderbolt. Il faut comprendre, en tout cas selon moi, que le Thunderbolt n'est pas un port mainstream. C'est un port professionnel qui est nécessaire pour des appareils professionnels. Puis on va revenir là-dessus au niveau de les utilités. Là. Un port USB 3, c'est sûr que ça va être très bien pour un disque dur USB pour monsieur et madame tout le monde. Mm. Le transfert de données, t'as transféré combien de données dernièrement sur un NAS GM? À peu près 350 gigs. Ça t'a pris combien de temps? 4 heures à peu près. Hein? Bon, donc avec un Thunderbolt, ça aurait été beaucoup plus rapide. J'ai transféré cette semaine un film Ubuntu 1080p Full HD, 45 gigs. Sur un USB 3, un disque dur, ça a pris 4 minutes et demie. Ça aurait pris 2 minutes. En Thunderbolt, sauf que, on s'entend là-dessus qu'en 2 minutes puis 4 minutes, on s'en fout un peu. Les gens en vidéo vont traiter beaucoup plus de données que ça. Ouais. Et là, avec le Thunderbolt, en fait, Acer, cette semaine, a annoncé, ils disent, les transferts de données sont à peu près équivalents entre le Thunderbolt et le USB 3. Mais si on parle de Thunderbolt 2, c'est pas vrai. C'est 4 fois plus rapide un Thunderbolt 2 que du USB 3. Donc, ça, c'est déjà première chose. Deuxième chose, en fait, le Thunderbolt, c'est une norme PCI. Ouais. Donc, on peut connecter des périphériques là-dessus, des cartes. Puis on en parlait un petit peu avant le show. Donc, on peut tout ce qu'on faisait avec une fente PCI dans un Mac Pro, ou presque, on peut le faire maintenant avec des docks Thunderbolt branchés à l'externe, mettre des cartes de son, tout ça. Donc, ça, c'est faisable. Oui, parce que, mettons, versus l'USB 3, on peut brancher des disques, des petits périphériques, mettons, pour convertir nos VHS, des trucs comme ça, on peut les mettre en USB. Il y a des interfaces. Des trucs de Elgato, par exemple. Ouais, il y a des interfaces vidéo aussi en USB 3, mais ça communique sur le protocole USB. Mm-hmm. Tandis que depuis la sortie des Mac Thunderbolt, on a vu plein de périphériques vidéo, l'équivalent des cartes vidéo des cartes de capture, je parle, pas des cartes graphiques, c'est ça. Donc, on peut mettre des cartes de capture, aussi tout ce qui est interface pour des SAN. Okay. Donc, des cartes fibres, il y a maintenant des adaptateurs fibres qu'on peut mettre sur un port Thunderbolt. Cartes Fiber Channel ou Infiniband. Infiniband, des trucs comme ça, qu'on peut avoir, en fait, maintenant, on peut l'avoir en boîte. Et c'est que, en plus, tu peux les daisy-chainer. OK. C'est que même si tu mets une périphérique sur ton port Thunderbolt, mettons, je mets ma carte pour me brancher sur mon centre, bien après ça, je peux brancher un disque dur, je peux brancher un écran. Fait, d'où l'importance d'avoir beaucoup de bandwidth, c'est que tant que je sature pas mon bandwidth, ben, mm-hmm. je peux continuer à rajouter des choses. Puis, tu me parlais aussi d'un concept en vidéo qui est assez important, qui est d'avoir de l'overhead. C'est-à-dire que même si on dit que le bandwidth maximum d'un port, comme le Thunderbolt 2, est de 20 gigabits, ouais. ben, y a certaines applications qui vont te demander un bandwidth certain, un ouais. certain bandwidth, mais que si tu veux que ce soit stable, si tu veux que le protocole fonctionne bien, ben t'es mieux qu'il t'en reste du bandwidth au cas où que quelque chose ben oui, panique que, dans ta chaîne. En vidéo, c'est facile de calculer les bandwidths parce qu'on calcule la vidéo déjà en bandwidth. Si okay. c'est du 20 mégabits, c'est du 100 mégabits, c'est du 250 mégabits, c'est directement relié au bandwidth de ton... Ben, des protocoles de tout ce qui va transporter ta vidéo. Okay. Mais avec ça, il y a tous les rates d'accès, tout ce qui va se passer en même temps, tous les périphériques vont devoir dire « Ah oui, je suis encore là, t'es encore là, oui, je suis encore là », tout l'active sensing qui se passe. Okay. Donc, il faut beaucoup plus de bandwidth dans ton câble. Que vraiment... Ce qu'ils te disent, ce que ton calcul te donne. Il faut que tu calcules un profit. Oui, c'est ça. Excellent. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir comme boîtier? Tu me parlais des boîtiers SAS, InfiniBand. Est-ce que des cartes audio peuvent se mettre là-dedans? Oui. Bien, déjà, il y a Avid qui font Pro Tools, qui est la grosse station d'édition de mix vidéo, qui ont déjà sorti des adaptateurs Thunderbolt pour brancher du hardware qu'eux autres font. OK. Sinon, leur autre système, ou comme plusieurs systèmes travaillent comme ça aussi, c'est que c'est des cartes de processing. Au lieu de demander au processeur de l'ordinateur de travailler, ben, on va avoir des cartes dédiées et chaque carte peut travailler un nombre X de pistes. Donc maintenant, on est rendu à, mettons, 48 pistes par carte. Donc si on fait un film qui a 250 pistes audio, ben, on va pouvoir vouloir mettre 6 cartes, 4 cartes. Et pour faire ça, même dans un Mac Pro, tu pouvais comme pas. On pouvait pas. Dès qu'on fallait mettre plus. Oui, c'était 4 cartes avec la carte graphique. OK. Fait que, mais ce qu'ils ont travaillé, c'est un châssis d'expansion. OK. Donc, c'est un boîtier qui se branche sur une carte PCI dans le Mac Pro. Disons, OK. Et ça s'en va dans un autre boîtier où il y a d'autres fentes PCI où sont alimentées en électricité et sont reliées en PCI au Mac Pro. Donc, ce boîtier-là peut très bien être Thunderbolt à ce moment-là. Oui, en fait, avec les configurations plus fermées comme l'iMac puis les Mac Pro, les MacBook Pro, ben il y a plein de compagnies qui ont commencé à faire des boîtiers d'expansion Thunderbolt dans lesquels on peut mettre une, deux ou trois cartes, dépendamment de qu'est-ce qu'on a à faire, combien on a à faire et c'est quoi les cartes qu'on a à mettre dedans. Donc, ça peut aller de la carte audio, une carte de capture vidéo, une carte avec des ports FireWire parce qu'on n'a pas sur notre machine. C'est toutes des choses qu'on peut mettre dans ces boîtiers-là. Donc, finalement, ce qui resterait, qu'on ne peut pas upgrader sur la machine, parce qu'une des grosses choses qui est dit contre ce nouveau Mac Pro-là, c'est qu'on ne peut pas rajouter des cartes dedans. Donc, on a fait un peu le tour et on peut rajouter pas mal de choses avec le Thunderbolt. Il y a 6 ports sur cet ouais, appareil-là qui sont sur 3 channels différents, 3 canaux différents. Donc, il y a 20 gigabits par canal. Et théoriquement, tu m'expliquais qu'il y avait possibilité d'agréger ces ports-là. Agrégation, c'est le bon mot. Exactement. Bien, pour en faire soit un port à 40 gigabits ou 60 gigabits. C'est théorique. Donc, ça se peut qu'on ait éventuellement des boîtes Thunderbolt 2. Oui. Présentement, on a des boîtes Thunderbolt 1 qui ont 2 ports. Oui. Mais c'est un port qui permet de rentrer et de daisy-chainer un autre périphérique. Effectivement. Donc, ça se peut que dans un futur proche, on ait des boîtes avec 4 ports. Donc, 2 ports pour passer du Mac Pro à la boîte, ce qui ferait un lien 40 gigabits. Et après ça, 40 pour aller vers un autre périphérique. Ah. Donc, on vient de doubler la vitesse. En fait, on l'a déjà doublé avec le Thunderbolt 2. Et donc, on le redouble en prenant 2 ports. Mm-hmm. Ce qui va permettre, en fait, de, si ça se concrétise, de pouvoir avoir pouvoir finalement utiliser des cartes graphiques avec des GPU pour pouvoir accélérer des applications. Parce que présentement, c'est possible de mettre une carte graphique dans un boîtier Thunderbolt. Mais elle est rapidement saturée. Ouais. Mais sur PC, déjà. Oui. Non, parce que pour Mac, ça ne marche pas à cause des limites des pilotes et tout ça. Ouais, c'est ça. Mais les cartes les plus performantes qu'on veut utiliser pour accélérer notre système saturent rapidement en fait, aurait besoin de plus de bandwidth que celle du Thunderbolt. C'est pas saturé. Ils prennent au complet le Thunderbolt. Il aurait besoin, d'après ce que j'ai lu, d'à peu près 35 gigabits par seconde. Donc, si on daisy-chain deux parts Thunderbolt, on l'aurait. Là, ouais, deux parts Thunderbolt 2, on pourrait y arriver. Excellent. Sinon, une des nouvelles dans ces trucs-là, c'est que pour les upgrades en Thunderbolt, c'est qu'il y a une compagnie qui s'appelle Sonnet, oui, qui fait des boîtiers d'expansion comme ça. Mm-hmm. Et en fait, ça a été les premiers à annoncer un boîtier d'expansion Thunderbolt. Ça leur a pris un an et demi avant de le sortir. Mais une fois qu'il est sorti, bon, il fonctionne. Et là, il y a quelques mois, ils ont annoncé leur nouveau module d'expansion qui est le Echo Express 3, mm-hmm, dans lequel on peut mettre trois cartes. Et dans ce nouveau module-là, ils disent que si vous l'achetez quand il va sortir cet été, lorsque la norme Thunderbolt 2 va être arrivée en automne. Oui, en automne, avec le Mac Pro, mm-hmm, ben, on va pouvoir faire un upgrade logiciel pour passer à Thunderbolt 2. OK. Mais pas sur les anciens périphériques qui utilisaient probablement des chips de première génération. Là. Voilà. OK. Excellent. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il y a quelque chose qui se passe qu'on n'a aucune idée. Ah oui? Ça va prendre 2 heures à expliquer. C'est quelque chose de weird, man. Je ne peux pas parler au monde, mais bon, en tout cas. Il y a quelqu'un chez Apple qui vous a entendu commenter. Il a fait fuck it, man. Au vrai? Ben, je sais pas. C'est weird en temps dans ma chute. Nice. OK. Je vais faire un Twitter en incluant mon clic pas d'MQ. C'est-tu dans le chat? Ouais, ben, ouais, c'est, il est pas capable d'écrire de commentaires. Moi, ils veulent pas que j'écris. Toi, tu peux pas écrire. Mais moi, ça fonctionne. Moi, j'ai écrit ce que tu viens de dire. Jeff peut, il peut. Moi, je peux pas. Oui, il veut pas que j'écris. Ah. Yep. Fait que t'écoutes. Mais là, je fais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter là-dessus? Donc, le Thunderbolt, les périphériques qui vont être achetés chez certaines compagnies vont être upgradables logiciels. C'est une bonne nouvelle. J'ai des petites questions à rafale comme ça que je t'ai posées. Ouais. Cette machine-là va être fournie avec 10.9, c'est sûr. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui travaillent encore avec Final Cut Pro 7. Ouais. Puis, est-ce que ça va fonctionner? Ça devrait pas. Ça devrait pas. Non. OK. Apple, de manière logicielle, va s'occuper de ce que ça fonctionne plus. Je pense qu'ils vont finalement se débarrasser de QuickTime. OK. Qui est la base de Final Cut 7. Oui. Si tu n'as plus QuickTime puis tu n'as plus la base. Non, c'est ça. Moi, j'ai une question là, justement pour l'expert Final Cut qu'on a parmi nous. Là, le 10, ça a foutu la pagaille. Il n'y a personne qui veut travailler avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils veulent revenir en arrière? Est-ce qu'ils vont modifier le shell pour revenir à ce qu'il est? Ben, moi, présentement, j'ai 3 clients qui font des shows de télé sur Final Cut 10. OK. C'est une question d'adoption, genre? C'est une nouvelle façon de travailler. Il y a des affaires que c'est bien plus le fun. Nous autres, c'est de s'habituer, là. C'est un autre workflow, c'est mm-hmm. tout. OK. Le gros truc, c'est que tu vas entendre beaucoup de gens gueuler contre Final Cut Pro 10. Ce sont des gens qui ne travaillent pas sur le truc et qui n'ont probablement pas nécessairement pris le temps de regarder comment ça fonctionnait. Ils l'ont ouvert, ils ont demandé d'ouvrir un projet ancien, ça ne l'a pas fait. Ils ont dit c'est de la merde, ils ont arrêté là. Mm. Puis quand ils ont ouvert Premiere, ils ont dit ah, ça ressemble plus à ce que je faisais sur Final Cut. Parce qu'il y a eu une migration. Moi, j'en connais des gens qui travaillaient sur Final Cut qui sont allés vers Premiere. Puis je prends à l'époque, quand le shell est sorti, il y avait le fameux show de Conan O'Brien, le Conan, où tu avais un sketch de Conan O'Brien qui était en partie écrit par les gens qui travaillaient sur le programme. Ils sont passés. C'est ça. Okay. Mais en fait, il y a une grosse évolution de la première version qu'ils ont montrée et la version qu'on a maintenant. La 10.08. Moi, la première, je ne pouvais pas travailler avec. C'était impossible. Ça ne faisait pas ce qu'il fallait que je fasse. Mm. Il manquait des paramètres. Donc, mais maintenant, il y a des gigs sur lesquels je travaille. J'ai des clients pour lesquels je peux juste faire ça sur Final Cut 10. Je pourrais le faire. Ben, il y en a que je pourrais faire sur d'autres, mais ça me prendrait 3 fois plus de temps. Mm-hmm. Fait, il y a des gigs qui sont très appropriés pour Final Cut 10. Il y en a qui ne sont pas du tout. Là, avec Logic, en fait, ça va sûrement répondre à une des questions. Un des problèmes, c'était le son. Comment envoyer le son de notre montage en Final Cut 10 vers un mixeur sonore pour qu'il fasse ça? Il ne peut pas le mixer dans Final Cut 10. Qu'est-ce qui déterminerait justement un gig qui est plus pour première, plus que Final Cut? Est-ce que c'est quelque chose qui vaut un niveau plus de professionnalisme ou ça n'a rien à voir avec le projet? Non. En fait, sur Final Cut 10, en fait, c'est très rapide. Les seuls bugs qui encore, en fait, il y avait un problème de son. Donc, dès qu'on va, on va aller chez un mixeur plus professionnel, c'est plus long de sortir un projet de son de Final Cut 10 okay. puis de le mixer qu'un autre des un projet des autres logiciels. Mais là, ils ont dû régler ça avec Logic Pro 10. Logic Pro 10 qui est sorti cette semaine. C'est à boire. Oui, c'est à confirmer. En fait, il y a encore une gestion qui est très lourde pour le son dans Final Cut 10 qui marche par des rôles. Fait que pour chaque clip de son dans ton timeline, disons, faut peut-être dire si c'est de la voix, si c'est de la musique, si c'est une ambiance. Yeah. Puis après ça, quand tu vas exporter vers ton autre logiciel, il va les placer ensemble, toutes les voix ensemble, toutes les ambiances ensemble. C'est quelque chose qu'on n'avait pas à faire avant. On le plaçait sur la piste 3, on le sait que la piste 3, c'est du son. Quand on le plaçait, c'était là. Là, il n'y a plus de piste. Fait qu'il faut que tu ailles à la pièce pour y dire... Voici ce que c'est. Faut te rendre des... C'est comme si tu rentrais des keywords avec ta souris pour chaque clip. Il y a des... il y a probablement des raccourcis clavier quand même, comme un peu transformer le texte en bold, en italique. Ben c'est parce qu'il y a tellement de types de clips. Des fois, tu vas avoir dans un clip plus. Dans un clip, tu vas avoir une... deux prises de son micro. Donc, j'ai un micro, tu as un micro. Puis en plus, sur le même clip, tu as le son d'ambiance. Okay. Fait que là, ça vient d'ouvrir ton clip. Là, tu as quatre sources dedans. Okay. Fait que c'est les décortiquer. Fait que ça devient un peu laborieux. Sinon, l'autre affaire, c'est de barrer un show timing. Dans Final Cut 10, c'est encore difficile. C'est-à-dire, OK, il faut, à tel diffuseur, il faut que je livre une version de 42 minutes 34. Puis là, on va avoir des modifications, on va bouger des choses. C'est dur de... En fait, c'est la force et c'est un peu l'inconvénient aussi de travailler dans Final Cut 10. Tout va bouger, va s'adapter. Donc, créativement, c'est bien le fun. Donc, de déplacer des choses, tout se bouge, ça fait de la place pour travailler. T'as pas de technique. Mais quand t'es en télé et t'as un timeline qui est très strict, c'est plus difficile. Est-ce qu'il va le dépasser? C'est ça que t'es en train de dire? Non, mais mettons que je vais tirer un clip. J'ai pas moyen. Avant, je pouvais barrer mes clips à la fin, ils vont rester là. Puis, à un moment donné, si je veux tasser, il va dire non, tasse pas. Parce que t'as déterminé que ouais, c'est okay. Ça. Okay. Là, c'est beaucoup plus difficile. OK. De le faire. C'est quand même un inconvénient, surtout qu'on s'entend qu'en télé, c'est pas le web. C'est Oui, mais c'est pas impossible. C'est juste difficile. C'est une autre façon de travailler. Oui, c'est ça. Puis Final Cut n'est pas non plus nécessairement un produit qui vise le professionnel télévision. Ça a été de plus en plus adopté par des gens qui produisaient des shows cartes postales ou des shows à mettre à monter très rapidement, surtout pour le Final Cut Pro 10 là, dernièrement. Là. Bien, tout le monde vise à monter de plus en plus rapidement. Oui. Y a plus... Pour la gestion du contenu, pour tout ce qui est... tagging des sources. Donc, pour une télé-réalité, on peut facilement dire, OK, tous ces clips-là, c'est dans le spa. Ah, tous ces clips-là, c'est avec Marcel. Tous ces clips-là, c'est avec Jocelyne. Tu es en train de me dire que Final Cut est un bon logiciel pour monter de la télé-réalité? Ben, en fait, pour cet exemple-là, ça pourrait... Fuck that, je m'en vais sur Premiere. Pour du... non, mais, pour du documentaire. Disons qu'on a tourné un documentaire sur un an. OK. Sur le parcours des papillons. Fait qu'on s'est promené, on a suivi les papillons pendant un an qui faisaient l'aller-retour au Mexique. On parle des monarques ici, bien sûr. Donc, oui, nous essayons tous. Donc, puis on n'essayait pas d'aller se payer un trip de payotte au Mexique sur le bras de l'ONF. C'est ça. Fait que Final Cut 10 est très fort pour catégoriser automatiquement des shots. Donc, si on a tourné avec un appareil qu'un GPS, donc tu peux faire, dès que tu importes ton matériel, des recherches par localisation. OK. Tu peux être capable d'analyser les shots pour dire tu as une personne, tu as deux personnes, tu as du face recognition. OK. Donc tu as vraiment la méta-information sur les takes que tu as pris, si tu as pris le temps justement de faire. Si tu n'as pas pris le temps. OK. Final Cut, à l'import, est capable d'analyser tes images. Mais quand tu parles de GPS, il faut quand même qu'il y ait une donnée de base que toi-même. Oui, mais il y a plusieurs caméras qui ont maintenant un GPS intégré. Ouais. Wow. Dans les infos d'Exif, des trucs comme ça, dans les photos. Puis les... Okay. Bon. Il y a beaucoup d'informations comme ça. Mais sinon, il est capable d'analyser une shot, dire OK, dans ça, c'est un two shot, il y a deux personnes, c'est un group shot, c'est un one shot, c'est un panorama. Et après ça, tu dis OK, il analyse les visages, puis là, tu vas dire ah, ça, c'est Denis. Après ça, tu es capable de dire trouve-moi les shots de Denis à Mexico quand il est en two shot. Il va sortir les shots. Okay. Puis là, à partir de ça, ben, vu que tu as toutes tes shots, tu peux faire du multicam beaucoup plus rapidement. Je pense que c'est une des forces maintenant. Oui, il est très bon pour le multicam. J'ai mon monteur pour les mystérieux qui travaillent en multicam. Puis je me demandais si au niveau de première, c'était une fonctionnalité. Parce que je me souviens qu'à l'époque, il ne l'avait pas, mais là, tu sais, ça date. Oui. C'était une fonctionnalité maintenant qui avait été inclus dans le logiciel. Ou c'était... Dans première, oui. Dans première. Ah, ouais, okay. Oui. En fait, première vient d'intégrer dans la version CC. CC, OK. La version CC. En fait, il y avait déjà du multicam, mais là, il vient d'intégrer. intégrer la fonction synchronisation par l'audio. Un peu comme faisait Pluralize. Ça, c'est génial, ça. C'est génial. Final Cut le fait aussi. Final Cut 10 le fait aussi. Sinon, il fallait un logiciel qui s'appelle Pluralize. Ça fait que ça fonctionne bien si tu as deux clips qui n'ont pas changé de vitesse, ce qui arrive souvent avec des caméras qui sont pas professionnelles. Mm-hmm. Donc, sur une heure d'entrevue, mettons, il y en a une qui va tourner une seconde plus vite que l'autre. Fait que là, des fois, ça devient difficile à synchroniser. OK. Il va y avoir un drift là-dedans. En fait, c'est ça que sert la synchro par l'audio. Donc, si tu as six caméras qui enregistrent un band pendant un show, ben même s'il y a des caméramans n'ouvrent pas leur caméra en même temps, il y en a un qui ouvre et ferme trois fois pendant son show, la synchronisation audio, il va analyser par l'audio chacun des clips et faire une séquence avec ça. On s'en va dans le très, très, le très, très technique. C'était mes questions. Bon. C'était correct, excellent. on va donner tout de suite le numéro de téléphone où les gens vont pouvoir nous rejoindre. On va commencer en nouvelle aussi parce qu'on en a quand même un certain nombre et vous faites les poireaux depuis le début du show et vous ne dites pas grand-chose. Pas Benoît qui m'a interrompu. Bravo, Benoît. On va mettre un petit collant dans ton cahier. Donc, on vous passe une petite publicité et vous pouvez commencer à nous appeler au 1-877-561-2357, soit pour nous poser des questions sur le macro dont on vient de parler, sur ce qui s'est passé au WWDC. On a joué un petit peu avec iOS 7. On ne peut pas en parler au complet. On peut peut-être amener des détails. Ben là, ça a l'air qu'il y a quelqu'un d'Apple qui nous a écoutés. Hey, si on regarde les autres sites, là, on va dire franchement... Il y a des gens qui se sortent, effectivement. Il y a des gros sites qui sont sortis. Il y a des gros sites qui parlent de toutes les affaires qu'il y a dedans. Là. On ne sait pas exactement de ce qu'on peut parler. On va parler en général, mais on va essayer de répondre à vos questions sur 10.9 Mavericks. Donc, Apple, maintenant, qui nomme ses OS selon les rôles de Tom Cruise au cinéma. le prochain, c'est Ethan Hunt. J'adore Charlie Babin. Oui, 10.10, Ethan Hunt, et 10.11, Charlie Babin qui s'en vient. On ne répondra pas à des questions là-dessus, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Donc, vous pouvez nous contacter au 1-877-561-2357. 1-877-561-2357. Et j'ai ici un magnifique T-shirt, c'est un hoodie Apple qui nous a été ramené directement du Employee Shop par Vincent au WWDC. Et si vous appelez, je ne vous le donne pas, c'est le mien. Pour casser. By the way, Patrick Ducharme. Patrick Ducharme, je pense que c'est le tien. Je pense que c'est le tien. Je suis supposé t'y envoyer. Excellent. Vous pouvez nous appeler, mais on ne donne pas le hoodies Apple. Donc, 1-877-561-2357. Vous pouvez poser des questions à notre expert Final Cut, Mathieu Marano, du front de Libération. Non, c'est pas lui. Le front créatif de Montréal. On va être juste dans le trouble. Là. Attention. On va être... La NSA est sur le site. On va être flagué, oui, c'est ça. Donc, publicité. Je vous prends un petit instant. Je vais vous passer ça. Tiens, on va faire... Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac-Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @Mac-Québec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Merci Bernard pour ces fabuleuses annonces. Bernard, qui est le Métatron du podcast au Québec, c'est la voix de Dieu, le Métatron. Ah. C'est une référence au film de Kevin Smith, Jay and Silent Bob. Je ne sais pas, celui qui parle de religion. Là, avec... Ah, c'est Dogma, ça. Dogma, ouais. Voilà. Pour faire dans la référence pop culture, c'est le terroriste dans Die Hard 1, Alan Rickman, qui fait le Métatron dans Dogma. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Il n'y avait pas de moustache, on ne le reconnaissait pas. Puis il n'y avait pas d'accent allemand. Puis il ne tombait pas dans la ville de... Ouais, c'est ça. Avec des... On le reconnaissait pas. Feuilles blanches, là. Donc, on va rapidement passer en nouvelles. On vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions dans le chat. On n'a plus le module de questions parce qu'on n'est plus sur Spreecast. Et on va tâcher d'y répondre. On mixe. Non, on est rendu hot. On est rendu sur YouTube maintenant, live. Exactement. Represent. Et, ouais, c'est ça. Donc, on a perdu quelques options. Par contre, comme c'est une version d'été, on va répondre aux questions en même temps qu'on va faire les nouvelles. On va faire ça à la bonne franquette. Donc, j'en parlais un peu. petit peu tout à l'heure, Acer qui abandonne le port Thunderbolt au profit du USB 3. Ils ont annoncé ça cette semaine. Puis honnêtement, Acer, c'est une compagnie de computer cheap. Ouais. Puis comme je le disais... Il y a beaucoup de monde, tu vois dans les cafés, là, tu vois beaucoup de monde qui ont des Acer quand même. Là, ouais, je dis, c'est pas trop cher, mais c'est quand même de qualité. C'est ça, c'est vrai? Ben, t'aimes ça, toi? Ben... Tu sais, un ordinateur de base, le basic, que tu fais avec du traitement de texte de l'Internet, là. Si t'achètes un Acer puis tu veux pas payer pour le Thunderbolt, tu paierais pas l'overhead de prix pour acheter un 10 Thunderbolt. Ben non, c'est clair, là. Aussi. Ben, d'où le fait que le port Thunderbolt n'est pas un port mainstream. C'est pas un port pour monsieur, madame, tout le monde. Tu dis pas, ah oh, shit, mon backup va être pas mal moins souffle, long. Hein, c'est ça? Hein? T'es à bout de souffle. Oui. Okay. Je fais tout le temps ça. Okay. Non, il se met pas à jour. Tu manques de RAM. Non, le chat, je pense. Ah, OK. S'il manque, je mange juste à côté, tu peux dire update automatique. Si vous voulez nous envoyer des questions, ce serait peut-être mieux de passer par Twitter en utilisant le hashtag PODMQ, P-O-D-M-Q. On les reçoit plus vite là, que sur le... Ou envoyer directement un SMS à Jean-Michel au 514. OK, next. Apparemment, je réponds très rapidement. Excellent. Ben en fait, il y a eu un rapport cette semaine qui annonçait que Apple offrirait un service de saut de publicité pour un futur produit ou service. C'est une rumeur, en fait, ouais. Pour la prochaine télévision Apple. Puis c'est encore d'une source qui serait proche de Apple. Le voisin. Un Chinois qui ressemble pas aux autres. Un analyste quelconque. Mais... Ce qui est un peu farfelu là-dedans, c'est que la publicité pendant une émission de télévision, c'est une publicité de fantastique ou d'automobile. Ça sert à vendre le produit puis à faire du profit à la compagnie. Donc, un service qui ferait que tu payerais pour ne pas avoir de publicité, c'est le prix que tu aurais à payer, c'est pas payer pour... la perte que la compagnie de publicité aurait. C'est pas payé pour le prix que la compagnie paye pour sa publicité. C'est carrément le prix que tu payes pour les pertes qui seraient engendrées par la compagnie par le manque de vente dû à cette publicité-là. Si on peut avoir quelqu'un des HEC qui appelle bientôt. on pourrait essayer de comprendre combien ça vaut une publicité puis combien il faudrait qu'un utilisateur paye. On avait déjà parlé à un moment donné, je me souviens plus trop où on s'assinait, puis c'est avec Denis Talbot où on avait parlé à Madou. Tu t'assines pas avec Denis Talbot. Non, mais tu fais pas ça. Mais on avait parlé avec Denis quand que je sais plus trop quoi. On parlait des pubs. Moi, puis toi, pourquoi tu paierais son show, Monsieur Net, avec des pubs ou pas de pubs? Je ne me souviens plus, puisqu'on avait parlé. Oui, on s'est fait Non, c'est sur Twitter. C'est une conversation qu'il y a eu sur Twitter. Ouais. On avait parti comme ça, puis en fait, c'était par rapport à la gratuité du podcast versus... Ah non, c'était dans le temps où est-ce qu'on parlait du rachat de Musique Plus par la gang de... Ah, c'est ça. Par la gang de l'ancien... en fait, oui, mais la station allait être vendue. Puis là, on voyait comme Geneviève Borde, Marie Plourde, puis Paul Sarrazin faire un consortium pour acheter la station avec le REER. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, je me suis rappelé de ça. Là. C'est vrai qu'on en avait parlé avec lui. Mais c'est ça, il y a quand même un manque à gagner important. Ouais. Puis ça serait quoi? Est-ce que ça ressemble à Apple? Tu écoutes une émission de TV, il y a une pub, là tu fais, il y a un piton, tu pèses dessus, ça dit 99 cents seront débités de votre compte. Mais 90... Ça te skip tout le truc. Non, mais je veux dire, dans l'utilisation, c'est un service que tu vas payer. Tu vas payer 60$ par année. Puis, tu n'auras pas de pub quand tu vas écouter une émission de TV. C'est comme acheter... Moi, je le paierais, mais en même temps, c'est débile quand tu y penses deux secondes. C'est que tu vas payer pour pas avoir de pub. Tu sais, c'est la guerre de l'accès. Oui, ouais, c'est ça. Mais il y a bien des services payants sur Internet qui sont déjà basés sur le fait que tu payes pour la version premium pour pas avoir de pub. Ouais. Ouais. Mais il y a quelque chose dans le fait de passer vers la télévision qui était pas... Tu n'avais pas accès à ça avant. Tu n'as pas ce genre d'option-là. Écoute, c'est pas malsain, mais c'est comme permissieux en même temps. Ben, c'est parce qu'en même temps, c'est d'essayer de trouver une façon... Tu sais, Ben, Apple est rentré. Contourner, éviter la publicité. Oui, c'est ça, mais Apple est rentré. Tu sais, c'est parce que de plus en plus, tu vas télécharger un show, mettons, à une place, puis il n'y a pas de pub dans ton show mm-hmm. où tu vas acheter. Mais ils vont rentrer dans un hôtel, puis ils vont te présenter c'est quoi PayPass dans le show directement. Ah, mais c'est pire que ça. Tu as des shows comme Mad Men où tu as des produits qui ont été mis en vente après. Où, mais c'est. Je parlais justement à quelqu'un qui est dans le milieu, puis il disait que, imaginez que vous avez un show comme Mad Men. Mm-hmm. Là, vous mettez un veston ou un verre, ou qu'importe le produit que vous vendez, dans le show. Ce que ça donne la possibilité à long terme, c'est que les gens qui s'occupent de vendre des produits aient leur mot à dire dans le scénario. Et là, c'est là où est-ce que ça devient dangereux, tu sais. Parce que si, mettons, ton écœurant, l'écœurant du show, le méchant, porte le veston, il y a peut-être quelqu'un qui est frileux, qui lui vend ce veston-là, qui va pas vouloir, puis il va venir modifier le scénario. À long terme, c'est... Fait que les méchants vont être tenus. Pas... Non, mais je te donne un exemple parmi tant d'autres, mais à long terme, c'est ça le danger, tu sais. Mais en même temps, c'est intéressant parce que tu dis ta promotion, tu as fait directement à travers ton show. Ça, c'est cool. Ouais. Mais à long terme, ça donne la possibilité à des gens qui font des produits, d'avoir leur mot à dire dans ce qui est l'écriture d'un scénario. Ça, c'est ça qui me fait... Moi, tant qu'à ça, je préfère avoir de la pub. Parce que c'est scripté, tout ça. Ouais. J'essayais de trouver une analogie aujourd'hui pour c'est quoi la pub, tu sais. Mm-hmm. Je veux dire, c'est une... Il faut qu'on te présente le produit visuellement ou auditivement. Puis pour t'intéresser à t'asseoir devant la publicité, on te présente un show. OK? Fait qu'en fait, la publicité, c'est comme un lubrifiant qui fait que ton émission s'en va au... Non, mais c'est pire que ça. C'est que la pub, c'est ce qui fait que ton émission existe. C'est ça. C'est pas le contraire. C'est prenez-le dans ce sens-là. C'est ça. Le fait qu'un show existe, même les nouvelles, dépendamment des réseaux, là, sur Radio-Canada, ben là, ça va changer, mais quand même. Là. Mm. Mais c'est ce qui fait que ça existe. Tout, c'est la publicité. C'est là. Toute la publicité. Toute la publicité. Tout, il y a un documentaire intéressant là, sur la publicité et le placement de produits dans les films. Ça s'appelle « The Greatest Movie Ever Sold ». C'est par Morgan Spurlock. Mm-hmm. Puis c'est un documentaire qui a été financé puis réalisé grâce à du placement de produits durant le documentaire qui dénonce le placement de produits. Et en fait, c'est la course de Spurlock à trouver des commanditaires pour faire son film mm-hmm. puis montrer quelle prostitution, en quelque sorte, doit faire le diffuseur ou en tout cas le créateur pour pouvoir présenter son produit. Bref. T'allais pas rajouter quelque chose? Sûrement. OK. J'allais dire que, en fait, même si on enlève les pubs, ceux qui font les pubs, ils veulent rejoindre le public quand même. Ouais, fait qu'ils vont les contourner puis ils vont trouver une autre façon. C'est pas le modèle de super écran que j'ai pas de pub, je paye mon super écran. C'est comme non, regarde, on va être là, De toute façon, tu veux pas que Sears aille son mot à dire sur qu'est-ce qui va apparaître dans un film de Superman? Non, laisse faire. Ça marche pas, désolé. Non, ça marche pas, même. Hey, toi, le jeune, en septembre, tu retourneras peut-être à l'école ou dans les rues. Apple a quelque chose pour toi. C'est la promotion Back to School, en fait, qui est lancée par Apple et qui, cette année, en fait, offre... C'est nouveau? Pas nouveau. Ça fait salement longtemps que... Est-ce que tu t'en allais dire, c'est nouveau? Oui, ce que je m'en allais dire, c'est nouveau. Quelque chose de nouveau, en fait, ça fait depuis des années qu'à la rentrée scolaire, Apple offre des rabais aux étudiants pour écouler leurs vieux ordinateurs que de toute façon, ils vont changer en octobre. Et à ce moment-là, en fait, avant, c'était des rabais qui pouvaient aller jusqu'à 300 $. Depuis 2 ans, ils offrent des cartes cadeaux pour le App Store pour être sûr qu'avec les 100 $... Avant, c'était pas des rabais, c'était l'iPod qui donnait au lieu des cartes cadeaux. C'est vrai. C'était un rabais postal sur l'iPod. C'était cool, c'est ça. Ouais. T'achetais ton iPod, puis te le remboursaient postal. Ouais. Et laisse-moi te dire que le monde, il le remplissait en tabarouette. À 300 tu l'oublies pas, tu sais. Je me souviens les dernières années que j'étais à la Coop, full disclosure. En fait, c'était des iPod Touch, le monde en achetait en tabarouette. C'est ça. Garde, pars avec, vends-les. Non, moi, je vais l'acheter. Le 300$, va l'acheter, donne-moi le iPod, puis je vais m'occuper du rabais postal ou rappelle-moi quand le rabais va arriver. Mais là, ça revient au App Store, c'est ça? C'est que exactement. T'as pas le choix de revenir dans la machine. Le rabais qu'il te donne te sert à acheter un logiciel que t'aurais piraté. De toute façon. Ou pas. Ou pas. ou pas, peut-être. Mais ça retourne effectivement dans la machine. Et de toute façon, il y a un 30% de ces 100 pièces-là qui retourne à Apple. Qui retourne à Apple, automatiquement. Mais oui. Fait qu'il y a 70$ que tu vas donner à un développeur ou un artiste. Mais cette année, c'est le iPhone qu'ils ont mis. Effectivement, si tu achètes un iPhone au Apple Store, parce qu'ils n'en vendent pas des Unlock ailleurs, tu as un rabais de 50$ sur le téléphone, ce qui est quand même intéressant. Tu as une carte cadeau de 50$ pour l'App Store. Sont pas fous parce que tu vois que Android, le marché d'Android a beaucoup d'activations par jour. Tu sais, on en voit tout le temps passer des OK, Android ont activé pour un tel montant de téléphone par jour durant le dernier trois trimestres. Android qui active tant de téléphones par jour, là, c'est les téléphones LG, ZTE, puis À zéro dollar par mois. Aussi, là. À zéro dollar à l'achat. Avec les S3, ils sont pas fous parce que même ce que j'ai vu cette semaine aussi, c'est qu'Apple sont rendus qu'ils poussent leurs employés à vendre des iPhones. Plus d'iPhones. Tim Cook, en fait, trouvait qu'il n'y avait pas assez d'iPhones qui étaient vendus en magasin. Parce qu'il faut l'avouer, l'iPhone est le produit de Apple en ce moment. C'est une compagnie qui vend du téléphone mobile ou en fait du mobile en gros. Donc, profitez en fait de cette promotion-là. Mm-hmm. Vous achetez un ordinateur, vous achetez un téléphone, vous pouvez économiser jusqu'à 150. Je pense que c'est jusqu'à 200$ que tu peux économiser. Ouais. Si tu achètes... C'est 200$ sur un portable. Ça vaut la peine. Oui, c'est intéressant. C'est le prix de Logic Pro. Exactement. Tu t'achètes un MacBook Pro, puis tu vas t'acheter Logic Pro à 200$. Ben ouais. T'as un studio. Mais même encore, tu ne reviens même pas à 200$ parce que le Logic Pro, il te redonne ta carte de 50$. C'est ça, la carte de 100$ quand tu achètes un Mac, elle vient en plus du rabais éducationnel de 200$. C'est ça. Fait que ton Logic Pro, tu reviens encore moins cher. Mais il n'y a pas de prix éducationnel sur le Logic Pro. Non. Il faudrait qu'ils sortent une boutique, un App Store éduc. Ce serait trop le fun. Ça. Ouais. Ça serait le fun. Hein. Y aurait-tu du monde qui aurait des cartes étudiantes, tu ne crées pas, toi? Il y a quelques mois de ça, je faisais le podcast et j'avais à peu près ça de large de bracelet autour de chaque poignet, une batterie, Tes clés USB. Tout le kit. Vous regardez aujourd'hui, j'ai plus rien. C'est pas juste parce qu'il fait chaud. J'avais entre autres une Pebbles que j'utilise plus. J'ai cherché aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé. J'ai encore le sable. J'ai encore le câble pour la charger, mais je ne trouve plus la montre, puis je m'en porte pas plus mal. Puis à Apple, en fait, il y a beaucoup de nouvelles qui sont sorties à propos de la montre. Donc, il y aurait en fait, la marque iWatch qui a été déposée, qui est réservée par Apple dans plusieurs pays, dont Taïwan, le Mexique, la Russie et le Japon. Par contre, il y a d'autres endroits où est-ce qu'ils ont beaucoup de problèmes parce que la marque est déjà déposée, entre autres au Canada, si je ne me trompe pas. Il y a Apple aussi qui a déposé un brevet pour une batterie flexible qui pourrait être utilisée dans le iWatch. Une des grosses problématiques, en fait, moi, je l'avais vu un peu venir à cause de mon bracelet batterie. Je l'avais même calé, si vous regardez les anciens podcasts, j'avais parlé de ce que je voudrais dans une montre, un bracelet MyO qui contrôle. Vous allez regarder sur Internet c'est quoi le bracelet MyO avec une batterie intégrée, parce que la grosse problématique, c'est qu'on a beau nous dire que la Pebbles fait 7 jours, il y a eu des updates de firmware. Elle fait plus 7 jours. Elle fait 3 jours, la montre. En tout cas, pour moi. Puis il y a des gens qui disent, désactive telle affaire, puis ça va fonctionner. Okay. Mais si tu désactives la montre, elle ne sert plus à rien sauf à te donner l'heure. Oui, c'est ça. J'ai vu, c'est aujourd'hui ou au début de la semaine, là, qu'elle serait faite en liquid metal. C'est comme... Apple, cette semaine, a eu un brevet supplémentaire quant à l'utilisation du liquid metal. J'ai fait la recherche. Puis en 2010, Apple recevait des brevets pour l'utilisation du liquid metal. C'est ça, parce qu'on sait qu'ils ont acheté une compagnie... Ils ont acheté une licence d'utilisation pour le liquid metal. Ils n'ont rien fait encore avec cette licence-là. Parce que c'est ridiculement trop cher, là, on s'entend. C'est pas donné, là, mais... Vous vous souvenez, c'est quoi le produit qu'Apple fait déjà en liquid metal? C'est l'extracteur à carte SIM de ton téléphone. Oh, iPhone. Exactement. Quand tu achètes un iPhone, tu as un petit bout de liquid metal dedans. Et si tu tombes sur un, tu essaieras de le tordre, tu vas te rendre compte que c'est solide en tabarouette du liquid metal. Les chats qui ont mangé du liquid metal, ça va dire que... Effectivement. Mais si c'est un iPad, par exemple, ils sont plus cheap, ils ne te donnent pas du liquid metal, c'est vraiment une trombone. Là. Ouais. Ah ouais? Oh, ouais, cheap, ah ouais, cheap, cheap. Le loop n'est même pas fermé. Ah oh, ouais, c'est trombone de chez trombone. Ça coûte 500$ ton iPad, ils te donnent un trombone de bureau en héros. Très bonne, celle-là. Donc, des produits Apple qui arriveraient en liquid metal, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Toi, t'as vu un article qui liait l'utilisation du liquid metal à la montre? Oui, ça serait c'est une autre rumeur. Moi, on n'est pas fort sur rumeur. Mais ça serait une rumeur qui serait faite en liquid metal. C'est un brevet sur une façon d'utiliser le liquid metal pour faire un... Tu sais, elle serait peut-être pas amovible. Là. Un système manufacturier. Elle serait dure, elle bougerait pas. T'sais, tu pourrais pas la déplier. Un vrai bracelet que tu peux pas bouger. Là. Il y a eu un prototype comme ça qui est sorti à un moment donné, une photo de prototype qui avait vraiment l'air plus d'un bracelet en une pièce, qui avait l'air un petit peu plus d'un iMac que d'autres choses. Ouais. Check bien ça, man. Ça va être le retour du fameux bracelet des années 90. Qui... Ah oui! Je l'ai collé. Mais ça serait cool, pareil. Ouais, effectivement. T'as mis comme ça, t'as sort par induction. Faudrait qu'elle soit. Faudrait que la montre. La mettre sur le feu pour la sortir. Si t'es excité, elle fait. La montre. Ce qui pourrait être cool, c'est que le système d'attache soit un truc Lightning USB. Puis là, ben, ta montre peut devenir un câble, mettons, pour ton. Des patenteux comme ça. Si vous travaillez dans un Apple Store, iOS 6 ouais. Parce que si tu commences à show off avec ton iOS 7 tu risques de perdre ta job. Les produits qui sont pas supportés par Apple sont pas montrés là. C'est des trucs qui arrivent, c'est pour les développeurs. Fais pas ça. T'as le droit de l'utiliser dans la salle des employés. Là. Mais même à ça, mets-toi pas à tout le montrer pour que ça fasse un attroupement. Tu surveilles ça. Là. Okay. Ouais, parce que veux pas si tu travailles là, tu deviens comme un représentant de la brand. Ouais, même c'est si ça. Pas complété. Okay. Il applique le non-disclosure agreement à la lettre. Ouais. Il s'assure aussi que tu l'aies téléchargé légalement, que ça soit toi le détenteur du compte développeur, puis ils veulent pas que tu le donnes à tes amis ou que tu le donnes à d'autres employés là même. Je sais pas comment t'es payé pour travailler dans Apple Store, mais ça a l'air vraiment compliqué. Là. C'est comme un test d'urine en plus. Là. Ça devient. Déjà, t'as comme 4 entrevues. Wow! OK. Ouais, 4 entrevues entre là. J'ai fait le premier Apple Store, là, puis c'est comme. OK, entrevue de groupe, entrevue individuelle dans un Holiday Inn. J'ai fait l'entrevue individuelle, je me suis rendu gladiateur style. Après ça, t'as comme une entrevue de groupe où faut que tu fasses le peddler pour un produit Apple. Puis là, ils décident si tu vas être un vendeur, un genius, un pro démo truc. Un formateur en magasin. C'est une secte. Si t'es un genius, il t'envoie en formation en Californie pour être formé quand même. Ouais. Ouais. Le drôle, c'est qu'au premier Apple Store, il fallait que les employés soient au moins formés sur un Pro Apps. Oui. Mm-hmm. Fait qu'ils ont envoyé la gang à Cupertino avec Marc-André Ferguson du Front Créatif pour aller les former là-bas. Nice! Excellent! Est-ce qu'il y en a un de vous qui se serait acheté un MacBook Air dernière génération, c'est-à-dire la version 2013? Non. Certains de ces appareils-là sont affublés d'un problème de Wi-Fi. Apple est en train de voir. Si vous avez le problème, vous pouvez retourner chez Apple. Ils vont échanger l'appareil. Et même qu'en fait, y a une rumeur qui disait Apple veut vraiment mettre la main sur des appareils. Oui, dans la directive officielle au Genius, ça s'appelle Capture, la directive. Ils ont un fusil à filet en magasin. Puis si tu rentres et tu dis MacBook Air 2013, Wi-Fi, il y a tout de suite un gars qui te tire dessus, t'es à terre comme un chien. C'est ça le gars à l'entrée. Il t'attache les mains, les pieds. Ils veulent le garder. Ils capturent l'ordinateur, en fait. Ils veulent des modèles d'ordinateur qui ont le problème. Du problème. Mais on sait qu'Apple ont tout le temps eu, depuis des années, des problèmes de Wi-Fi. Ça n'a pas de bon sens. La gestion des pilotes. Sur des nouveaux appareils, effectivement. Ils ont tout le temps des problèmes. problème, ça se corrige avec des versions d'update de firmware. De firmware, de la carte, whatever. Ils ont tout le temps eu des problèmes de Wi-Fi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, leur ingénieur de programmation, de pilote. Mais c'est pas fort, là. Puis ils cherchent loin pour les problèmes. Ils cherchent loin, là. Si t'arrives au Apple Store puis tu dis le problème de Wi-Fi se produit surtout quand mon iPhone est branché sur l'ordinateur, ils vont garder ton iPhone avec le MacBook Air. Wow! Ah oui? Fait que dites pas ça. Hey, moi, ils ont reçu comme consigne de capturer l'ordinateur et l'accessoire, les périphériques. Sans jamais ça a lieu quand le périphérique est branché. Wow! OK. Puis si c'est un routeur D-Link. avec iOS 7, une des fonctionnalités, c'est un feature, hein, c'est un nouveau feature. Mm-hmm. Si vous avez un câble qui est non officiel, Apple va... en fait, on sait que les câbles non officiels n'étaient pas supposés fonctionner. Les gars ont trouvé un tweak. Mais là, logiciellement, dans iOS 7, il va détecter que le câble n'a pas la certification made for iPhone. Ouais, ça détecte. Il va t'en avertir. Mm-hmm. Est-ce qu'on pense qu'Apple, d'ici la sortie du OS, va enforcer, il va faire non, logiciellement, je ne veux pas recharger ton appareil. Wow. Si ça détecte, moi j'ai l'impression qu'il y a une ligne de code là, qui est en commentaire en dessous, tu as juste enlevé le commentaire puis ça bloque aussi. Mm-hmm. T'as raison. C'est sûr qu'il y a la possibilité de bloquer s'il y a la possibilité de détecter. Il ne détecte pas pour rien. Là. Non. Ben, en fait, peut-être que cette ligne-là est simplement pour que si tu arrives au Apple Store puis tu dis... Parce que des fois, il y a des câbles qui sont très, très bien faits qui ressemblent beaucoup à ceux d'Apple, mais tu les as payés 4$ au lieu de 19$. Tu arrives au Apple Store puis tu dis, écoute, mon iPhone a un problème, parfait, on va regarder ça. Ils vont, oui, avec comme ce câble-là ici qui... en fait, c'est un deal social... je me souviens plus c'est quoi, Stack Social, à 15$ pour un câble de 10 pieds. Donc, celui-là, justement, c'est pas un câble qui est officiel, contrairement à celui qu'on voit un petit peu plus loin, qui est de Monoprice, qui lui est officiel, qui est à peu près le même prix. Donc, on le branche sur l'appareil, il dit, hey, ce câble-là n'est pas made for iPhone pour entraîner des problèmes. Peut-être que le feature est juste là pour que quand tu arrives au Apple Store et tu dis, j'ai un problème, il puisse te dire rapidement, c'est à cause du câble, c'est écrit quand tu veux. Oui, mais ça, c'était carré. Pourquoi il ne l'aurait pas juste laissé comme dans les diagnostics qu'ils vont chercher là, sur l'appareil? Là? Le Genius le voit, mais ça ne te fait pas nécessairement un message. Oui, mais il n'est pas obligé de sortir son disque dur, le plugger son iPhone, partir dans le mode détection d'iPhone, blablabla. Il plugue juste le téléphone et il te dit, ton câble n'est pas un officiel. Plugons-le avec un officiel, oups, tu vois que ça marche. Ouais. C'est sûr, c'est dissuasif pour l'utilisateur aussi. Aussi, il y en a beaucoup en fait qui vont voir la mention et qui vont dire, ça peut-tu faire quelque chose? Non. Non, ça peut rien faire. Ça recharge. La seule affaire que ça va faire, c'est que ça va vous enlever 39$ de vos poches parce que vous allez devoir vous acheter un câble Lightning au Apple Store. Fait que c'est la seule affaire qui va arriver. C'est 19$, mais oui. En tout cas, whatever. On sait toutes les... Monoprice. Ben oui, Monoprice, c'est meilleure place. Puis ça coûte pas cher de shipping, même si vous achetez pour un kit de 15$. Est-ce qu'on a des questions? Non. Non? On n'a pas de questions, on n'a pas d'appels. On est très clair. Faudrait juste dire... les appels... Hein? GM, ça serait où les appels? À quel numéro? Ça serait au 1-877-561-2357. Je voudrais juste dire... appelez-nous en grand nombre. Hein? Je voudrais juste dire qu'on est le 17 juin et notre dernier podcast a été le 10 juin. Oui. Alors, c'est sûr qu'on va parler d'anciennes nouvelles parce qu'on n'a pas fait, on n'en fait pas durant l'été. On en fait un là. Et on va en faire un autre au mois d'août. Au mois d'août. Mm-hmm. Puis on va revenir en fin août, début septembre environ. Exactement. Dans ces eaux-là. Fait que si vous êtes comme nous autres qui suivez beaucoup les nouvelles... Je suis désolé, mais c'est ça. Il y en a d'autres qui n'écoutent pas, qui ne suivent pas les nouvelles Apple. On est là pour ça. C'est pour les commentaires aussi. C'est pas ça. Juste pour dire les nouvelles. C'est pour savoir notre point de vue sur les nouvelles puis voir d'une autre façon ce que vous avez déjà lu. Mm. Un commentaire, Benoît? Non, je suis mieux de faire ma gueule. Excellent. Parlant en fait de vieilles nouvelles, le App Store a eu 5 ans il y a quelques jours. Et une petite anecdote, c'est que la nouvelle est sortie le 10 juillet sur le site de Mac Québec. C'est François-Dominique Laramie qui a écrit la nouvelle. J'ai regardé parce qu'il y a eu un commentaire sur notre page Facebook comme quoi, en fait, la nouvelle n'était pas fraîche. T'sais. Comme un poisson pas frais, mais une nouvelle pas fraîche. Puis j'ai regardé ailleurs, chez iMore, qui est une source quand même... Ouais. Les nouvelles, ils sortent parce qu'on les a avertis d'un peu d'avance, des fois. Ils l'ont sorti le 8 juillet. C'est deux jours avant. FDL, il a écrit l'article. Ça a peut-être gossé un peu. On l'a publié. Deux jours. Puis on s'est fait dire, la nouvelle est pas franche. Ouais. La nouvelle, en fait, c'était que le App Store, pour ses 5 ans, offrait... je ne sais pas si c'est 5 ou 10. Je pense que c'était 9 jeux. Je crois que c'était 9 applications. C'était des applications gratuites qui étaient données jusqu'au 12 ou 13 juillet. Donc, il y avait encore 4 jours pour aller télécharger, 3 jours, mettons, pour aller télécharger ça. Puis, le commentaire, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé. Moi, je ne vois pas pourquoi on l'aurait enlevé. Je trouve que le commentaire est un peu bon de trop. Mais il y a quelqu'un de Mac Québec, on ne sait pas c'est qui, on a essayé de chercher, qui l'aurait effacé. On s'excuse à la personne qui a effacé le message. On s'excuse à la personne qui était de mauvaise foi. Je suis pas de Mac Québec. Les propos de Benoît Mercier sont complètement endossés par une partie de Mac Québec. Nous autres, d'habitude, quand ça arrive sur le front créatif, on rembourse l'abonnement. OK. Ouais. Combien coûte votre abonnement? Ça coûte rien. Ah, OK. Ouais. Ça fait que tu rembourses l'abonnement. On rembourse tout ce qu'il a perdu. OK. C'est une bonne idée. Mais on devrait mettre un abonnement juste pour pouvoir les kicker out. Ouais. On peut les kicker out. C'est sur Facebook. Mais on ne peut pas faire ça. Ouais. Ben, il était bloqué, mais je l'ai débloqué. D'ailleurs, le monsieur s'appelait Jobs. Yann Jobs Pelletier, je pense. Il ne fallait pas que je dise son nom. Mais non, en tout cas. Il y a Maxime Tremblay qui disait que c'était 5 applications et 5 jeux. C'était pas 10 jeux. OK. Oui. Il y avait Tractor DJ, c'est une application à 30$. Ouais. Il y avait Infinity Blade 2. Ouais. 5,7 millions de téléchargements pour Infinity Blade 2 qui a été fait depuis hier. À 10$. 6-7$. C'est un jeu freemium. Là. Il y a des in-app purchase, puis 56 000 affaires. Oui, tu peux acheter des boosts, puis des affaires là-même pour tes guerriers. Ils ont fait autant d'argent que si. Oui, ils en ont fait autant. Là. Je veux dire, tu sais, le monde a tellement aimé le premier. Quand le deuxième est sorti, ils ont acheté à finir. Mm-hmm. Mais. Notre ami Mathieu vient de rajouter. On a. J'aime ça pointer des affaires qui n'existent pas. Juste en dessous ici, on a le numéro de téléphone. C'est un peu plus bas que la console. Là. C'est pointe au-dessus de la console. Ah, console. Oui, voilà. Descends un peu. Ouais, tu pointes le numéro de téléphone qui n'existe pas, qui est affiché à l'écran en ce moment. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous! C'est parce qu'on le paye, on mange, au téléphone? Oui, c'est ça, on ne mange pas personne. Bon, on tombe-tu... on pourrait parler peut-être de iOS 7 puis de Maverick. Ça vous tombe-tu? Bon, oui. On est dans bêta, fait qu'on T'as essayé ça, toi, Benoît? Ah oui, je l'ai enlevé tout de suite. Oui? T'as-tu installé tout? Tu es malade, c'est lui que j'appelle dans ce temps. Ben, en fait, nous, on est sortis d'ici, on est allé manger, était aux frites à l'or, c'est le lieu du parc. On a fait ça live. Tous nos téléphones étaient en train de passer par l'ordinateur de Jean-François, qui était tout en train d'installer iOS sur nos téléphones. Jeff me regarde, il dit Alexis, as-tu fait un backup récent? J'ai fait un backup. Mets-moi iOS là-dessus. Fait que j'ai fait ça, là, tu sais, comme. From scratch. Fret, là. Spontanément. Spontanément. Le soir, je suis arrivé chez nous. Ah, 10.9 est disponible. Clac, clac, clac. Téléchargement. Là, installation, upgrade. J'ai-tu fait un backup? Non, excellent. Je l'ai installé. Fait que j'ai fait ça à fret. T'as rien perdu? J'ai rien perdu. Tout fonctionne à peu près correctement. On voit que de fois en fois, là, bêta 2, là, disons que Mel, c'était dur à ouvrir. C'était long en tabarouette. Il rushait un peu, Mel. Exactement. Il rushait encore un petit peu, mais ça s'en vient. Sinon, en fait, j'aime bien, je le disais un petit peu plus tôt, les tabs. Les tabs dans Finder. Dans Finder, qui sont très intéressantes. Sinon, moi, j'ai des problèmes avec le mien. Cette semaine, iOS 7, bêta 3. Oui, ben, c'est pour que... c'est parce qu'Apple s'est dit, oui, on est dans une société de haute communication, on peut se rejoindre à tout moment. Si on faisait un téléphone, que la personne, quand elle répond, ben, elle ne parle pas à l'autre personne. Ouais, on a... fait, ils ont dit, comment on peut faire ça, comme jouer avec le réseau des fournisseurs. Ils ont comme tweaké quelque chose. Et puis, cette semaine, les gens de Fido et de Rogers, quand tu téléphones, il y a deux lignes qui se font. C'est comme si la réponse se faisait automatiquement sur une autre ligne qui était mise en attente. Puis là, la première ligne, tu essaies de parler, puis ça marche pas. Faut que tu rappelles la personne, puis ça, là, ça marche. Mais tu as juste les appels sortants qui fonctionnent. Ouais. Entrant, c'est fuck all. Ouais. Puis tu as essayé d'appeler chez Rogers. Oui, bien, ils peuvent pas ils commenter. Ils t'ont appelé, puis tu n'as pas pu répondre. Mais ils n'ont pas pu me répondre. Il n'y a pas le chapitre dans son livre. C'est ça. Il y a un 7, ça n'existe pas. C'est pas encore rendu là. Ils ne pas... peuvent pas me dire ça. Ils peuvent pas. Je ne suis pas quelqu'un de super haut placé. Je ne suis pas, pas témoin. Même à ça, le chapitre n'existe pas chez Rogers. Non, mais non, ils n'ont même pas essayé encore. Tu vas te transférer ça comme à l'ingénierie ou bien au support technique? Ils m'ont transféré ça. Mais non, parce que ça a l'air que c'est dans le carrier. Tu sais, ils ont tout le temps un fichier de carrier que les autres. Là, comme, là c'est 14.5.3 qu'ils ont installé. Puis c'est ça le problème, d'après moi. D'après moi, c'est dans ce fichier-là qu'il y a le problème, parce que ça n'a pas de bon sens. Tu trouves ton téléphone, tu vois, tu as deux lignes, tu as l'une qui fonctionne, l'autre est sur le hold. Ah oui, puis ça marche, c'est pas pour toutes les téléphones. Est-ce qu'on veut c'est... le montrer? Oui, oui. J'aimerais savoir ça. Tu t'appelles? Ben, pas, moi, je ne l'ai pas, mais moi, je peux j'appelle Alexis, parce que j'ai son numéro pas loin. J'aimerais ça... À la facturation, à la fin du mois, voir comment ça va être facturé sur ton compte. Est-ce j'ai hâte de voir. J'avoue. Est-ce que tes minutes vont être facturées en double? J'ai hâte de voir. Facturé à minute, là, t'as deux minutes juste pour avoir répondu à un appel. De toute façon, mon téléphone t'a raccroché au nez. Il m'a fait ça tantôt quand je t'ai appelé. Ouais. Il y a beaucoup de téléphones qui passent à côté. Puis là, le monde me dit, mais là, pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu raccroches? Hey, écoute, ben j'ai un problème. c'est trop long à expliquer. Il raccroche directement, il fait même pas la... Mais c'est ça, problème. Pour venir à iOS 7, beaucoup d'améliorations dans les dernières bêta. La prochaine est supposée de sortir, selon le calendrier, lundi ou mardi, bêta 4. Il est très, très... il est dessus en tabarouette, ouais, le calendrier. Ouais, à part le clavier... Non, mais je veux dire le calendrier. Ah, le calendrier là, qu'on les dates, pris les au dates, début, là, ouais, c'est comme, c'est supposé être, c'est bien c'est direct. C'est là, puis on le sait, ouais, on sait que ça arrive. Donc, lundi, quoi, lundi? Lundi ou mardi, la prochaine bêta, de ce qui s'en vient, là. Excellent. Fait que, c'est ça. Tu rencontres-tu encore des bugs dessus, toi? À part ce bug-là qui est plus du côté carrier, là? Le clavier. Oui. L'ancien clavier, parce que là, c'est un nouveau clavier dans iOS 7, mais l'ancien clavier, des fois, il y a de la difficulté à faire les espaces entre les mots. Si, mettons, si tu tapes un mot, puis même si tu fais sur l'espace, il y a de la misère, puis là, tu t'en rends pas compte, là, tu continues. Fait que là, tes mots sont tous collés ensemble. Fait que là, faut que il y a un ajout, en fait, sur le clavier qui est l'apostrophe. Qui ont rajouté. Donc, avant l'apostrophe, il était obligé d'aller sur le deuxième. Sur l'ancien, c'est ça. C'est ça, il était sur le deuxième listing. Donc, ça peut soit être un problème du logiciel qui doit être tweaké ou carrément un problème, nous, qui est au niveau mémotechnique, qu'on est habitué, en fait, d'être à tel endroit. Puis que là, à cause de ce décalage-là, à cause de l'apostrophe, on le fait pas correctement. Ben, j'ai hâte de voir. Ouais, vas-y. Ça fait quand même depuis 2008 là, qu'on le fait en deux étapes, là, l'apostrophe. Oui. Puis on est habitué de le faire en deux étapes. Oui. Puis je peux, là. Non, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir. Puis là, ce qui se passe, c'est que tu le fais en deux étapes, mais tu es obligé de rajouter une étape parce que tu y vas, puis là, tu fais « Ah non, fuck! Ouais, » Tu ouais, viens, c'est ça, là, tu fais ton apostrophe. Mais j'ai hâte de voir les prochaines versions, surtout quand les applications vont être mises à jour pour iOS 7 avec le clavier, ça va régler les problèmes. Parce que le clavier de base, si tu utilises les produits, les applications Apple, il est merveilleux. Oui. Il va très bien, il répond très bien. C'est comme « il répond mieux que l'ancien. » Les anciennes applications... Tu utilises encore l'ancien clavier? Oui, ouais, t'es obligé. Oui, parce que c'est l'application qui gère son propre clavier. Okay. Fait que c'est ça. Fait que quand l'application va être mise... C'est ça que j'ai hâte de voir, par exemple. Je ne suis pas programmeur, là, mais mettons... Il y a une épuration qui va se faire des applications qui sont plus supportées, par exemple, par le développeur. Si toi, tu as encore ça, tu vas être... En fait, quand le iOS 7 va sortir, dans iOS 8, d'après moi, ils ne laisseront pas l'ancien clavier. Là. Ils vont dire... Update tes affaires. Mm-hmm. Fait qu'il y a comme quelques applications qui sont peut-être plus supportées depuis iOS 3 qu'ils vont disparaître de toute façon parce qu'ils ne seront pas capables, ils vont crasher d'en face. Maverick. 10.9 Maverick. Oui. Beta 3? 3 aussi. Super. Côté mémoire, c'est l'enfer. J'ai jamais rien vu de tel. Ça prend bouffe plus de mémoire. C'est comme les applications, je sais pas comment ils ont montré là, quand ils ont fait la WWDC. Les images d'avant-plan cachaient les images d'arrière-plan. Ouais, exactement. Des applications compressaient la mémoire. Exactement. Beaucoup plus vite. SSD, ce que j'ai, ça, c'est comme ça, c'est instantané presque. T'as-tu joué beaucoup avec la batterie? T'as-tu vu une amélioration? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la batterie. Au niveau de la batterie, l'ordinateur dure plus longtemps. Moi, il me durait, là, ça fait un an et demi, je l'ai, lui. Je dois être rendu à 5h30, 6h. Quand même? Oui, tu sais, c'est quand même assez bon. Les nouveaux MacBook Air 2013, Maverick, ils font à peu près 9 heures avec Maverick en standard, là, utilisation standard. C'est assez impressionnant côté batterie. Quelques bugs encore à corriger. Comme là, j'ai un problème avec Time Machine. Il me dit que j'ai un backup de 268 gigs à faire, mais que j'ai rien téléchargé. Fait que là, ma Time Capsule est pleine. Fait qu'il se vide pas. Il est pas capable de se vider. Fait que là, j'ai envoyé ça à Apple. Ils m'ont demandé une commande dans le terminal de faire un diagnostic de Time Machine. Puis là, je leur ai envoyé ça. Puis, as-tu utilisé les nouvelles applications, que ce soit au niveau de e-book, que ce soit au niveau de Maps? E-book, il n'est pas encore là. D'après moi, il va juste sortir à la sortie finale parce qu'on ne l'aura pas tout de suite. Maps, c'est là. Maps fonctionne très bien. C'est intéressant. Surtout, parce que dans cette version-là, il y a la dernière version, tu peux faire l'envoi vers le téléphone. Vers le téléphone. C'est cute, ça. Ça, c'est le fun, ça. Les gens à l'écran ne le voient pas. Non, c'est ça. Mais en tout cas, whatever. Il y a un onglet comme dans les autres, là, mettons, pour partager par Facebook, Twitter, toutes ces affaires-là. Puis, tu as, mettons, Jean-François iPhone. Fait que tu l'envoies à mon téléphone. Ça envoie une notification sur le téléphone. Oui, tu pèses dessus, puis ça rouvre Maps. OK, ça rouvre à l'endroit où tu envoies. Okay. Ouais. En fait, c'est pas juste un endroit, c'est carrément ton trajet. La destination. Tu t'es calculé le trajet. Avant, moi, c'était vraiment un problème que j'avais. Je voulais utiliser un produit pour aller chercher le Maps. Puis je me disais, tu sais, sur Google Maps, il y avait des trucs pour envoyer, puis c'était comme pas compatible avec Maintenant, Google avec Google Maps, c'est l'historique complet des dernières recherches que tu as faites. Fait que ça, mettons, juste avant de partir chez vous, tu as fait une recherche pour telle l'adresse. Ben, Maps, c'est la première en haut, tu vas juste avoir à reposer sur Maps aussi, si tu le fais sur ton Mac, il va syncer avec iCloud, fait que tu vas l'avoir sur ton téléphone. Fait que il y a ça aussi. Quelque chose que j'ai hâte d'essayer dans Maverick, c'est le support multi-écran. Ça, c'est malade, mon homme. J'ai trois moniteurs chez nous, puis c'est le bordel présentement. C'est l'enfer. Oublie ça, là, c'est super. Ça, là, je capote avec ça. Là. J'ai cet ordi-là, j'ai ma 21 pouces et j'ai mon 46 pouces écran salon, tu sais, avec branché sur Apple TV. AirPlay. Que t'envoies en AirPlay puis que tu utilises comme c'est malade. Comme d'écran. C'est comme mon troisième bureau. Ouais. C'est comme. C'est par Wi-Fi. Okay. Ouais. Puis avant, en fait, tu pouvais prendre n'importe quoi sur ton écran et avoir un miroir sur ton écran de télévision. Mais là, c'est vraiment une extension. Fait que, comme tu as plusieurs écrans, je me pars un film sur mon ordinateur, je le pique. Mon écran est en haut, je le drag sur mon écran de TV. Fait que ma TV est en haut, ça apparaît sur ma TV. C'est encore version bêta, là, surtout sur l'Apple TV. Ils n'ont pas fait de bêta 3 sur le dernier Apple TV. Ça répond bien, c'est assez bien. Surtout, j'ai essayé des gros vidéos, des gros 1080p, pas des petits 700 MB, mais tu sais, vraiment des 20 gigs. Puis, ça répond bien. Pour l'instant. Okay. J'ai hâte de voir la version finale, mais c'est mon application préférée de Maverick, c'est la version étendue du bureau. J'ai hâte de voir si on règle des bugs. Il y a des bugs fatigants dans 10.8. J'ai trois écrans, là, un à côté de l'autre, puis des fois, je drague comme un fichier sur l'écran à gauche, puis il va apparaître sur l'écran à droite. Ça c'est réglé parce que c'est vraiment. C'est une prolongation de ton écran. Tu sais, c'est pas comme dans l'autre que tu pouvais pas transférer ton application, puis là, ça fuckait le chien. Dès que tu mettais une application plein écran, là, de toute façon, tes deux autres écrans... Tu perdais, mais plus maintenant. Là, c'est merveilleux. Là. Au niveau vidéo, Mathieu, on utilise beaucoup d'écrans, habituellement du real estate, de l'espace de travail. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues au niveau... cette fonctionnalité-là de pouvoir utiliser ta télévision, est-ce que tu as un Apple TV? Oui. OK. Est-ce que tu vas utiliser cette fonctionnalité-là comme écran témoin pour une télévision, pour voir? Bien, en fait, pour faire des appos de contenu, oui. Ça peut être le fun, là, de dire, OK, je passe au salon, puis on fait ça. Mais sinon, surtout en finition, quand tu fais un appo, avec un réalisateur, un directeur photo, tu vas avoir toute la qualité. Tu veux pas que ton image soit recompressée et transférée. tu veux pas, si tu vas changer d'espace couleur, t'es pas vraiment dans ce que tu vas voir à télé pour vrai. OK. Fait que non. En fait, où ça peut être le fun, c'est justement souvent dans un studio, on va avoir, étendre notre écran à un troisième écran ou à un deuxième écran par la Apple TV. OK. Ça peut être le fun. Si on veut, disons, servir dans 42 pouces qu'on a au-dessus de notre écran pour sortir des pink lights. OK. Ça peut être le fun. Ça, mais déjà, dans, en fait, même si les logiciels d'Apple étaient vraiment mono-fenêtre, ils ont quand même mis rapidement, mettons, dans Final Cut 10, la possibilité d'utiliser d'autres fenêtres pour d'autres choses. OK. C'était facile de dire, OK, open Tu pouvais changer ton espace de travail et tout ça. Tu pouvais prendre toujours un deuxième écran pour, soit pour afficher ton résultat ou toutes tes sources. OK. Fait que ça, c'était quand même bien fait. Là. Excellent. Je vais vous interrompre avec une question de quelqu'un qui nous écoute ou bien quelqu'un qui nous a envoyé ça sur Twitter par hasard. avez-vous une bonne méthode pour installer Windows 7 avec Bootcamp sur mon MacBook Air? Bien, utiliser en fait l'assistant Bootcamp. Mm-hmm. Pourquoi y aurait une mauvaise méthode? Sur MacBook Air, il n'y a pas de lecteur CD. Pas de lecteur CD. Mais, moi je l'ai. Je l'ai la solution. Ben en fait, acheter un Windows de base aussi pour faire ça, c'est vrai. Acheter un lecteur CD externe à 44$, le petit Asus. Là. Si... Même avec l'Apple, ça marche pas? Ouais, avec celui d'Apple, mais il est 100$. Ça marche? Oui. Ça marche, mais il est 100$. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de lecteur CD, fait qu'il demande une bonne manière. Lui, en fait, ce qu'il voudrait, c'est une image... ISO? Va sur The Pirate Bay puis check pour une image comme ISO que tu vas pouvoir intégrer dans ton... ça marche pas. Si tu télécharges ça comme ça puis tu lises ton numéro de série, est-ce que c'est légal ou bien c'est... Oui, c'est légal. La problématique, c'est que si tu redémarres ton ordinateur, il ne voudra pas utiliser l'image qui est sur ton système d'exploitation Mac là, pour installer Windows pendant qu'il est en train de redémarrer. Et en remote, ça ne marche pas? Non, tu es obligé d'avoir un lecteur CD. Ah oui? Oui, tu n'as pas le choix. Booter ouais, avec une USB. C'est gros comment, c'est Windows 4, 4 gigs et demi, ça veut dire 5 gigs. Décompressé. Là. Non, ils ont mis Windows ça là, ça, ils ont mis ça sur une tablette, là, c'est 32 gigs, non? C'est pas ça. Ben non. 32 gigs installés. 32 gigs. Ça décompresse. Ça fait à peu près 20 gigs pour Windows 7, non? Une clé USB, tu bootes dessus, Mais la créer, par exemple, là, parce que... Bonne chance. Il y a une fonction dans Windows, que j'ai faite sur l'ordinateur à Jason hier soir, sur le site de Microsoft, il y a le Microsoft CD DVD Bootloader, toujours des noms simples. Oui. Facile à retenir. C'est ça. Fait que c'est un petit logiciel de Microsoft. Fait que tu pars ça, ça te dit où tu vas chercher ton ISO. Tu as le choix entre un CD un peu comme Lion Disc Maker. Ouais, exactement. C'est ça. Okay. C'est la même chose. Ça existe encore, la fonctionnalité d'utiliser le lecteur CD d'un autre ordinateur? Oui, ça existe, mais ça marche dans l'OS. Okay. Ça marche juste dans l'OS. Fait que ça, t'es screwed. Sinon, c'est la seule manière. Ding propose de créer un ISO à partir d'un autre ordi. La problématique, c'est que ton ISO, t'as besoin de le stocker en quelque part si tu veux qu'il l'installe sur le disque dur. C'est ça. Je suis pas sûr que Bootcamp va aller voir sur un disque dur externe. Peut-être qu'il y a une manière là, de l'installer un peu en image bootable. Je pense pas parce que tu n'as pas accès au FI. Il y a Patrick Ducharme qui dit sur Twitter que Microsoft fournit un outil pour créer une clé USB bootable. Ben, c'est ça. Dean nous dit que l'utilitaire Bootcamp est capable de créer une clé USB bootable à partir d'un ISO. Il faudrait le tester, ça, mais c'est probablement... Je le testerai pas, ça me tente pas de fucker ma partition. Moi, j'ai Windows XP d'installer, j'aurais besoin... toi, ça va, va tout briser. Je vais même pas essayer, c'est pour ça que je veux une licence de parallèle, c'est pour ça. CD, DVD, bootloader. On en parle souvent, on se fait souvent poser la question, mais la seule raison pour installer Windows sur un Mac avec Bootcamp, selon moi, c'est de vouloir utiliser toute la puissance de la machine pour jouer à des jeux. Si c'est pour à peu près n'importe quoi d'autre, c'est-à-dire de la comptabilité, Office, la comptabilité. À ce moment-là, vous êtes mieux de passer par parallèle. Ça fonctionne très bien. Ouais. C'est extrêmement rapide. Ou VMware Fusion, ça a l'air que je suis le seul qui aime utiliser ça là, ici. Là, mais... C'est comme Nikon puis Canon. Hein. Les gens choisissent leur outil puis le suivent. Moi, j'aime mieux parallèle. J'ai eu une mauvaise expérience avec parallèle, puis avec VMware, j'en ai jamais eu encore. Bon, ouais. ça vient juste de là. C'est des traumatismes de jeunesse. sinon, est-ce que on n'a pas d'autres questions? On n'a personne qui nous a appelé. Il y a notre ami de production extrême plus tôt qui nous a posé une question sur Twitter qui nous disait que son papa avait un iPod de première génération qui était plus supporté. Il dit de première génération, mais souvent les gens pensent que c'est celui de première génération avec la roulette qui bougeait pour vrai puis les quatre boutons. Non, pas au-dessus. En haut, en bas, de chaque côté de la roulette. Okay, oui. C'était ça au début. Là. C'est la Firewire. Troisième génération. Firewire. Yeah. Ça, c'était malade. Ouais. Ça transférait pour de vrai. Oui, c'est ça. En fait, il voulait... Il était plus sûr, en fait, de trouver un iTunes sur lequel... en fait, il n'y avait plus les chansons. Les chansons, c'était des chansons qui provenaient de CD. Il voulait les ramener dans son ordinateur. Donc, l'outil qui permet de faire ça, parce qu'Apple, évidemment, ne propose pas d'outil pour le faire. Ça s'appelle Cnuti. OK, c'est plus supporté par tout dans l'iTunes. En fait, lui, il a peur de... Ouais. C'est difficile, mais je pense que Cnuti serait capable de... Cnuti, c'est iTunes à l'envers. iTunes à l'envers, ça se dit Cnuti. Cnuti, c'est un outil pour prendre les chansons du iPod et les ramener sur votre ordinateur. C'est pas la limitation de la version gratuite, je pense que c'est 500 chansons, quelque chose comme ça. Fait que s'il n'y a pas beaucoup de chansons, il peut même le faire gratuitement. Sinon, c'est combien? Sinon, sur le forum Mac Québec Entraide, c'est ça le nom de notre forum, vous pouvez aller vous échanger, vous mettez une gang, vous achetez la clé, vous l'échangez, puis il n'y a pas de problème. Tellement. J'ai pas dit ça pour vrai. C'est pas endossé par Mac Québec, de toute façon. Les niaiseries que je peux dire. Sinon, est-ce que, messieurs, vous avez des... C'est cher quand même. C'est en pièces, hein? 18,99. Ah, puis pour un outil que tu risques d'utiliser comme une fois... C'est très cher. Ouais. Ouais. Ça sera jamais dans l'App Store. Non. Mais celui, je savais même pas cette application-là. Sinon, il y a maintenant, en fait, pour les appareils intéressants, il y a iExplorer qui est pas mal intéressant. Quoi, là, tu peux aller chercher tes SMS perdus dans ton téléphone. Tu fais tout avec ça. C'est le fun, ça. Tu fais tout. On va demander à Jonathan d'aller essayer de nous avoir des licences de ça. D'ailleurs, il m'avait dit qu'on avait des trucs à donner pour ceux qui posent des questions. Peux-tu checker ça? On a probablement des licences d'applications à donner. On en donnera une à notre ami qui nous a posé une question sur Twitter. Dean vient nous envoyer un screenshot de l'installation de Windows 7 à partir de Bootcamp. Et il y a l'option de « Create a Windows 7 or later version install disk ». You need a USB flash drive and a Windows 7 or later version ISO image. Chris, il aime tellement ça, nous le mettre dans face. Petit Chris. Salut, petit Chris. Mon Dieu, comment elle s'appelle? Laura Cadieux. Ah non, petit gars, ça, excuse. Merci pour de vrai d'être allé vérifier. Mais donc, c'est bon à savoir. Est confirmée, oui. C'est bon à savoir. J'aurais pu faire ça chez nous hier soir au lieu de chercher de Chris de la chienne. Bon, donc, c'est confirmé. Vous pouvez vous créer à partir de Bootcamp une clé USB. USB. Excellent. Ben, donc, moi aussi, je risque de l'utiliser. 4 gigs et plus, 8 gigs minimum, là, parce que 4 gigs, ça ne marchera pas. De toute façon, là, ils ne compressent pas. De toute façon, c'est pas mal donné, des clés USB. 32 gigs et moins en ce moment. Je l'ai eu dans spécial en pharmacie cette semaine, 8 gigs. 8 piastres. Hein? 8 piastres, sans disque. Tu sais, à la pharmacie, ils vendent des clés USB. Là. Ah ouais. La pharmacie sur le comptoir, ouais, les paquets de gomme. C'est même pas à la place où est-ce que tu trouves des amis. Là. C'est une autre. Non. Une autre pharmacie. C'est celle qui appartient à Doblas. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ma pharmacie. Fait qu'arrêtez de niaiser. Ouais. Hey, toi, là. Si tu veux qu'on te réinvite, là. Ouais, il faut qu'il reste à ma pharmacie, il faut qu'il achète certaines choses. Fait que c'est ça. Voilà. messieurs, avez-vous des découvertes cette semaine? Des petites applications? Ah, des découvertes, OK. Des découvertes. Découvertes, oui. Sous la couverture, il est rendu 10h50, c'est le segment. Présenté par Vidéo et Boutique Sexus. Moi, j'ai downloadé le Tamagotchi, mais je pense pas que ça compte vraiment pour ce que vous. Ben, non, c'est super cool. C'est pop culture. Oui, ah oui, j'ai un coup de dos. J'en ai juste, ton idée. Ouais. Le Tamagotchi, la dernière fois qu'on a entendu parler, c'était que les bebelles, c'était des trucs en 1990. Ouais, okay, en fait, la mode était d'essayer de tuer le plus vite possible. C'est pas compliqué de ne pas le nourrir puis le laisser dans sa main. Je sais, mais ben ouais. Je pense que tu pouvais comme faire mieux que ça. Je pense qu'il y avait des Tamagotchi parce que tu avais une couple d'options. Ce qui est génial, excuse-moi, ce qui est génial avec la version maintenant comme iOS, ouais. iOS, celle classique, là, parce qu'il y a deux versions. Maintenant, il y a une version plus complexe. Il faut que tu payes 1,99 pour le downloader. C'est que tu peux, c'est quand tu le nourris ou quand tu joues avec, il faudrait que je sache au niveau analogique c'était différent, mais tu payes vraiment rapidement puis ça va skipper. Hein. Fait que t'as pas besoin de te faire chier pendant vraiment longtemps pour nourrir ou jouer avec ton Tamagotchi. C'est vraiment le même. Mais t'as une affaire au début, quand tu l'installes, il te demande si tu veux avoir des push notifications. Dites non à ça. Ah oui, c'est fatigant. Message de notoriété publique. Dites non aux push notifications. Oui, c'est ça. La push notification, c'est j'ai besoin que tu me changes ma marde, j'ai besoin que tu me nourrisses, j'ai besoin. C'est ça. Oui, bonjour. Alors, les prévisions pour les 6 prochains mois de l'entreprise. Ding, ding. Oups, excusez mon Tamagotchi. Oui, donc je disais. Mais oh, c'est ça, aucun jeu devrait accepter les push notifications. Non, ça bouge la batterie. Ça bouge la batterie, puis c'est de la merde. Ouais, ouais. Je m'excuse, là, moi, à un moment donné, Homer Simpson me jasait ça dans la nuit. Il a fallu que mais tu sais, le game de Simpson gratuit, là, il me jasait ça. Il commençait à rire dans la nuit. Mon tabarnak. Tu sais, c'est comme, hey, ça réveille en tabarnouche. Je t'entends Homer Simpson rire comme un débile, là, dans ton téléphone. Est-ce que je peux passer à mon coup de 12? Oui, vas-y. Ça serait. Non, c'était pas ça. Ça serait mon coup de 12. Irait à Eidos Montréal pour leur jeu Deus Ex The Fall qui ont sorti la semaine passée sur iOS. Ils ont été obligés de faire du. Game de salle! Ils ont été obligés de faire du PR, tu sais, comme c'est clair à faire ça. Comment? Ben, parce que si, mettons, ton téléphone était jailbreaking et que tu installais la version illégale ou que tu achetais l'application Deus Ex à 7$, tu ne pouvais pas tirer. OK. Ils ont un code dans l'application que dès que ton téléphone est jailbreaké, comme Skype, si ton téléphone est jailbreaké, la première fois que tu vas ouvrir Skype, il va dire « Ah, la version Skype n'est pas supportée sur les téléphones jailbreakés, mais il fonctionne. » Mais tu avais payé pour. C'est ça, mais c'est ça le bug. C'est que le bug, c'est même le bug, la chercher, pirater quelque part cette application-là ou que tu l'achètes vraiment du App Store à 7$, tu ne pouvais pas tirer. Pirater, j'ai pas de problème avec ça, mais le fait que là, si tu le payais... Ben, c'est ça l'affaire. Ben, il y a quelques semaines, en fait, je pense que tu en as même parlé à l'émission, la compagnie... Johan en avait parlé au Mystérieux. La compagnie qui avait sorti un jeu, je suis devenu complètement addict, j'ai joué à ça pendant une semaine. Ouais. C'est Game Dev Developer ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Cette compagnie-là, si tu installais une version piratée du logiciel, non pas si tu ne l'avais pas acheté, tu te faisais pirater ton jeu que tu développais dans le jeu. En fait, c'était impossible de finir le jeu. De finir, c'est ça. Puis j'ai commencé à me faire le truc puisque je l'avais téléchargé. Puis je suis allé acheter le jeu parce que je l'ai aimé. Puis je trouvais que c'était une maudite bonne idée pour se débarrasser des pirates. Mais l'affaire, c'est que la compagnie a eu un backfire de ça parce qu'il y a du monde qui l'avait téléchargé illégalement, qui sont allés se plaindre sur les forums de la compagnie en disant « Hey, si je me fais pirater mon jeu, c'est quoi cette affaire-là? Je ne suis pas capable de le finir, c'est bien trop tough. » Puis la compagnie dit, ben, c'est parce que t'as piraté mon jeu, le clown. Mais il n'y a pas de plainte, là, tu sais. Achète-les. C'est eux qui l'ont mis en ligne. C'est ça. C'est exactement. Ça. Fait que ça, c'était bien. Mais le fait que tu ne puisses pas utiliser une application que tu achètes, c'est là le danger des DRM puis de toutes ces mesures de protection, en fait, des droits d'auteur. C'est que c'est l'utilisateur lambda. Tu sais, il y en a du monde qui ont des téléphones qui ont peut-être acheté aux États-Unis. Ils ne savent pas trop. Ils se sont fait jailbreaker leur téléphone pour une raison ou une autre. Exactement. Ils se sont fait donner le téléphone qui a été jailbreaké puis unlocké parce qu'il était chez un autre fournisseur, whatever. Puis ils ne savent pas. Ils s'achètent l'application à 8$, qui est quand même cher pour une application. Il est très cher. Puis en plus, il y a du in-app purchases. Ça, c'était écœurant, hein, en tout cas. Puis, oui, c'est ça. Le jeu n'est pas terrible. Le jeu est 7$. Dans quelque chose à 99 cents, ça c'est va. Correct. Là, je vais peut-être en acheter mais un autre. Mais une affaire à 7$ qui te fournit... Disent que tu peux acheter des packs de boost à 99 cents, à 3$, à 5$, à 25$. Hey, le grand, je viens de payer 7$ ton crédit de jeu. C'est comme. Non, moi, je trouve ça. Puis là, c'est comme tu dis, ils ont fallu qu'ils fassent du pilleur en tabarnouche parce que là, le monde est en maudit. Hey, moi, j'ai acheté mon application à 7$. Crée, je peux plus tirer, que c'est ça, tu sais. Hey, le câble. Tu sais, c'est pas illégal de jailbreaker ton téléphone. Non, le développeur de l'application n'a rien à voir là-dedans. C'est Apple qui est concerné dans le fait de jailbreaker. C'est ça. Le développeur n'a rien à faire avec ça, tu sais. En fait, c'est une mesure pour empêcher la piraterie de son propre logiciel. Oui. Mais c'est parce qu'il n'est pas capable de faire la différence entre le logiciel piraté et le logiciel acheté. Mais il y a une façon de bypasser que tu peux tirer. Je ne dirai pas plus, je l'ai fait, là, c'est arrivé, là, ça fonctionne. Façon, ils ont dit qu'elle allait sortir une patch. Oui, ouais, exactement. Une patch, mais c'est effrayant, tu sais. Voyons, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça bien poche quand j'ai vu ça. Je dis une compagnie montréalaise, tu sais, je veux dire, OK, c'est Eidos, là, mais c'est quand même. Ils ont fait des méchants bons jeux, là, Deus Ex Human Revolution. Si vous n'avez pas joué à ça, là, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être en spécial chez Steam. Je pense 5$, c'est pas cher. Là, moi, j'ai payé 15$. Allez sur Steam en ce moment, vous allez vider votre poche. Ah, c'était carré. Je pense que ça m'a coûté. Je sais pas où je suis rendu sur la carte de crédit. Là. J'ai pas checké encore. Là, mais... LOD. Ben, pas tout. Là, mais... Si vous avez besoin, en fait, d'une licence de parallèle desktop, wink wink, il y a le Lifehacker Pack for Mac 2013 qui sont des applications, un bundle d'applications, c'est autour de 40$, je pense. C'est pas ça du tout. Okay. C'est un palmarès des meilleures applications gratuites. Ah, OK. Le Lifehacker Pack. OK. Mais il y en a un bundle, le Parallels bundle, je pense, c'est 49$, mais ça inclut Parallels Desktop. Entre autres, effectivement. Sinon, parle-nous un peu de ce palmarès des applications gratuites dans lequel on doit retrouver, je sais pas, je dis comme ça, Facebook. Non, c'est des applications quand même intéressantes. Lifehacker, c'est un site qui a pour but de donner des trucs pour rendre ta vie plus facile un petit peu. Puis ça te coûte une fortune. C'est des affaires que tu peux faire avec des gugus que tu vas trouver à la maison, mais des choses comme ça. C'est pour te transformer en MacGyver, en fait. Exactement ça, mm-hmm. Oui. Puis ben là, c'est la même chose, mais c'est pour rendre ta vie plus facile sur ton ordinateur, ton Mac. OK. En particulier avec des applications gratuites. Là, finalement, des applications comme Evernote qui sont gratuites. Malade. Ça, c'est très bon. Oui, c'est très bon. Il y a A-Text, c'est une chose de Text Expansion. Ça j'utilise TextMate. Je pense. OK. Est-ce, finalement, ça va aller faire que ça va plus vite là, quand tu tapes. Là. Finalement, c'est comme la fonction qu'il y a sur iOS avec l'accessibilité. Là. Oui. Ben, en fait, on parle de ça, puis les gens ils font « Ah non, c'est juste pour du monde qui écrive. » Pensez au nombre de fois simplement où est-ce que vous écrivez votre email par jour. Et si vous pouviez avoir un raccourci de 3 lettres qui écrirait votre email à la place. Donc, pour 4,99, tu achètes un texte et dedans, tu programmes que si tu écris les lettres EML, on s'entend que c'est pas trop dans la langue française, ces 3 lettres-là ensemble, ben ça écrit ton email au complet. Déjà, là, tu vas t'économiser pas mal de temps par jour. Tu peux faire la même chose avec ADDR ou avec... moi, tu vois, j'ai programmé dans mon iPhone, si je marque PodMQ, ça marque Podcast Mac Québec, puis si je le marque LADMB, ça marque Les amateurs de Mac Bonsoir. Moi, j'ai... Parce que c'est long en tabarouette à écrire. J'ai un raccourci pour 3 petits points. Parce que 3 petits points... Oui. Prend 3 caractères. Oui. Ouais. Le raccourci, comment je me souviens plus comment je l'avais vous trouvé. Tu tiens, en fait, ce que tu fais. Non, il le fait pas tout seul. Faut que tu le programmes dans tes raccourcis. Dans Tweetbot pour Mac, il le fait tout seul. Peut-être que dans Tweetbot pour iOS, il le fait pas tout seul. Mais dans Tweetbot pour Mac, il le fait tout seul. OK. Dans votre iPhone, puis en fait, vous le programmez comme ça, il est bon partout. Ouais. Vous allez dire que ce que vous voulez, l'expression que vous voulez qu'il écrive. 3 petits points. C'est trois petits points, mais il faut tenir le 3 petits points comme si on voulait faire un accent. Et là, il va avoir un nouveau carré qui va apparaître avec 3 petits points dedans qui compte pour, c'est une ellipse, et qui compte pour un caractère. Mm-hmm. Et en dessous, vous dites, quand je tape 3 petits points, ben ça met ce truc-là. Donc, ça économise 2 caractères. Ouais. Si vous êtes serré dans vos tweets, ça peut être intéressant. Ben oui. Voilà, ça économise... Surtout si tu réfléchis beaucoup sur Twitter... Ça en fait beaucoup, 3 points. Mais la façon la plus intéressante d'utiliser ce truc de raccourci-là dans iOS, c'est d'aller dire, mettons, le point. Okay? Quand je fais un point, je le remplace par « je porte les sous-vêtements de ma femme ». OK? Mais dans le, pas dans ton téléphone, dans le téléphone d'un ami. Ce qui fait que quand il va écrire un SMS à quelqu'un et qu'il va faire un point à la fin de sa phrase, ça va remplacer le point par « je porte les sous-vêtements de ma femme », puis il va « sender ». Parce que quand tu fais le point, tu regardes pas qu'est-ce qui se passe, puis tu « sends ». Fait que ça va être très drôle. C'est un petit truc que je vous donne à faire à vos amis. Ah, si bon. Hey, c'est un esti de coup. Non, mais faire, tu peux le faire pour n'importe quoi. Tu dis, remplace le point par le boss, tu me donnes une augmentation ou je calisse mon cap. Ouais. Puis à un moment donné, il va texter à son boss. Tu sais, ça se peut. Puis là, il va texter. Ouais, hey, là. S'il est comme nous autres, puis il check pas, il texte tout de suite, puis pouf, send. C'est là, parti. Bon là, oh non! Oh non! Excellent gars. Essaye de l'expliquer après, c'est ça. Hein? Essaye de l'expliquer après. Ouais, il y a quelqu'un qui a programmé un raccourci dans mon téléphone. Mais c'est tout le temps ça, là. Je me suis fait hacker mon compte Twitter. Ouais. Next. Dernière heure. En fait, Google qui vient. Ah, ben non, on avait d'autres applications. Ah, ouais, on va passer vite. Okay, go. Il y a Reader. Ça n'a plus à rien. Ben, il va servir à quelque chose. Pour iOS, il fonctionne. Il fonctionne sur l'iPhone. Oui, mais pour Mac, il va sortir. Quand? Non, parce qu'il n'a pas fini de le programmer, mais il va fonctionner. Il a dit qu'il le ferait. C'est une excellente application. Les feeds RSS. Les feeds RSS, qui est une technologie que tout le monde essaie de tuer parce que c'est très difficile de pousser de la publicité là-dedans. Ouais. Mais qui, pour nous, en fait, qui consommons beaucoup d'informations, c'est absolument nécessaire de pouvoir agréger de l'information comme ça. Oui. Ouais, c'est très bon. On a quoi d'autre? On a d'autres aussi, là, des connus. Handbrake aussi, c'est un... Handbrake aussi pour copier... Convertir des fichiers vidéo ou bien prendre des fichiers sur un DVD là, puis les comment je fais pour mettre une vidéo dans mon iPhone? Ben tu prends Handbrake. Tu prends le DVD que tes enfants auraient scratché de toute façon, puis là tu le laisses sur une tablette en haut, ils le toucheront pas, tu l'as payé, il est à toi. Passe-les dans Handbrake, fais-toi un fichier vidéo, puis quand ils veulent le partir, anyway, mon kit de 3 ans est capable de naviguer sur Netflix puis se partir des vidéos sur l'ordinateur. Fait que t'es capable de le faire, le grand. C'est senti, ça, Alexis. Mais ça. Il y en a deux quand même qui sont pas mal de base. Il y a VLC pour écouter les vidéos qu'on a converties avec Handbrake, puis pas mal tous les formats vidéo qui existent dans le monde. Mm-hmm. Puis Unarchiver aussi, qui est une bonne alternative au logiciel de décompression inclus dans OS X. Qui est gratuit aussi. Qui est gratuit, qui va pas mal mieux. Il fonctionne beaucoup mieux que celui de OS. C'est ça. C'est pas mal ça. J'ai vu Growl, mais Growl, je sais pas pourquoi que ça fonctionne. Encore, il y a encore du monde, je ne sais pas s'il y a encore du monde qui l'achète, mais Growl... Les notifications intégrées maintenant dans 10.8 sont assez complètes. Ouais, c'est par contre, Growl va beaucoup plus loin que ça. Est-ce que pour utiliser les notifications intégrées, l'application doit être distribuée dans l'App Store? Non. Okay. Non, il faut qu'elle soit programmée pour avoir le centre de notification. OK. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Utorrent, non. Moi, je m'excuse. Skitch, c'est malade. C'est malade, ouais. Skitch. Ouais. C'est une application qui appartient à la même gang que Evernote maintenant. Ouais. C'est bien intégré à Evernote. Ce que tu fais dans Skitch, dans Evernote, là, ça l'appelle. Ouais. Exactement. Ouais. C'est un outil de screen capture qui permet rapidement de rajouter des petites notes, des carrés, des ronds, de un texte, une flèche. Ouais, mettre pixeliser quelque chose comme des informations personnelles. Ça c'est super. Ouais. Tu veux montrer une conversation anonyme sur Twitter, tu utilises Skitch et ça va super bien. Ouais. Tu as un petit outil pour ça. Adium, Mike. Adium. Ben, c'est encore intéressant. Si tu veux... Hey, t'as-tu vu ICQ? Non. Il est revenu sur le App Store. Oui, il a fait un comeback. Sur le Mac App Store. Non. Je l'ai essayé de site. Tu te souviens-tu de ton numéro ICQ qui est un numéro... 1-6-6-4-6-4-3-1. Hein? Holy shit. C'est pas ton petit côté autiste. Ça fait peur, man. Je m'en suis tout le temps souvenu. Parce qu'il y avait tout. Il y avait, en tout cas, whatever, mais je m'en suis tout le temps souvenu de mon numéro d'ICQ. C'est bizarre. Je vais trop l'utiliser, là. Ash Sexville, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que. D'ailleurs, t'as 25 ans et plus. Bon. Si tu sais ce que c'est. Ouais, ouais, c'est ça. ASV, là, mon numéro maintenant, parce que là, je me souviens plus de mon ancienne adresse de courriel. Fait que j'ai pas pu réactiver mon ancien numéro. Mon numéro maintenant, c'est le 682-366-601. Si vous voulez rajouter ICQGF. Allez-y. Incoming file transfer. Ah oui, hein? Et si bol. Est-ce qu'on a fait pas mal le tour des applications? Ouais. J'espère que vous avez découvert quelque chose là-dedans. Sinon, comme je le... Comme tantôt, tu disais qu'on n'était pas à dernière, aux dernières nouvelles ouais. sur le site Mac Québec. Moi puis Jean-Michel, hier soir, on était pile poil. L'article était fini d'écrire. Oui, ouais, je sais, mais ouais. c'est quand tu m'as vu que je l'ai tweeté. Ouais. Parce que hier soir, vers 10h30 environ, les sites français ont commencé à parler que Google Maps 2.0 sur iOS est sorti en France. Parce que ça arrive un petit peu plus tôt. Oui, parce que le fuseau horaire n'est pas le même. Ouais, exactement. Fait que, genre, ouais, je suis cool, mais là, je commence à tweeter ça. Google Maps 2.0 vient de sortir en France. Fait qu'à minuit, il devrait être au Canada, tu sais, sous le temps vers ces ouais. heures-là. Là, il me dit l'autre, il me dit cool, juste la patente. Fait que là, comme Marc-Antoine. Jean-Michel, il a commencé à taper l'article tout de suite, la patente. Puis à minuit, quand l'application s'est mise à jour, paf, l'article était déjà là. Fait que c'est pas. Il y a personne qui me dise là, que c'est une vieille nouvelle. Non, c'est ça. C'est pas une vieille nouvelle, c'était là. C'est... Allez commenter l'article de Jean-Michel, ça vaut la peine, c'est facile. Façon d'avoir l'application avant, là, ouais. tu supprimais de ton iPhone puis tu allais la rechercher dans ton cloud là. Qui a déjà été acheté là, dans iTunes. Puis elle s'est téléchargée en 2.0. Tu peux la télécharger sur l'iPad aussi là, avant qu'elle soit disponible. Excellent, là. C'est bon ça. Ouais. Et un service qu'on aime beaucoup à Mac Québec. Ouais. Et, si vous on s'excuse pour tous les gens qu'on spam à cause de ça. Si vous suivez Jean-François, Jean-Michel, Kim, puis Vincent, Marc-Antoine. Moi, je les ai désactivés. Il y a Serge. Ouais. Donc, si vous les suivez, vous recevez un bloc qui sont en fait les nouvelles de Mac Québec. Et ça, c'est fait à cause d'un service en ligne qui s'appelle IFTTT, pour If This Then That. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est un système un peu de programmation à la Automator, pour ceux qui ont déjà ouvert le logiciel, mais pour vos services en ligne. C'est marrant. Et ils ont sorti cette semaine une application pour iOS. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se branche sur les services de iOS. Donc, ton livre de contact, ton truc de reminder. Les photos. Et les photos. Ouais. Pas les, les contacts, mais pas le calendrier. Pas le calendrier encore. Non, mais tu peux écrire sur ton calendrier, mais tu peux pas dire du calendrier donc, pour faire ça. C'est pas un channel, mais c'est un trigger. C'est ça. Tu peux dire, mettons, Dropbox au calendrier, mais pas du calendrier à Dropbox. Ça se branche à Google Calendrier. OK. Ouais, c'est sûr. Et ce que ça vous permet de faire, par exemple, vu qu'on peut le connecter au contact, c'est que, par exemple, quand vous rentrez un nouveau contact, il va aller dans, par exemple, pas Dropbox, Evernote. Ouais, Evernote. Et il va aller créer une nouvelle note dans lequel il va répertorier les nouveaux contacts que vous avez rajoutés. Donc, vous allez avoir une liste des nouveaux contacts. Ça permet aussi, par exemple, de... Mais là, ça ne le fait plus, mais un des exemples qu'il y avait qui était intéressant avant, c'est que ça prenait vos DM et ça pouvait les sauvegarder dans vos DM sur Twitter et ça les sauvegardait dans un document Google Doc. Parce qu'au bout de deux semaines, tes DM, tes conversations, tes pairs dans Twitter. Donc, si tu veux les garder plus longtemps pour les ramener d'en face de Pat Vaillancourt puis faire tes deux semaines de blog avec ça, ben tu peux parce que tu les as sauvegardés dans Nous autres, on s'en sert pour poster à notre place sur Twitter ou sur Facebook, mais c'est vraiment pas juste ça, là, des affaires. Non, ça peut être plein d'affaires. Plus loin, tu peux prendre les photos que les gens t'envoient en pièce jointe sur Gmail pour les mettre sur Dropbox automatiquement, puis plein d'affaires comme ça. Tu peux envoyer sur Flickr les photos que le monde mette ton nom dessus sur Facebook, par exemple. Quand t'es tagué, puis tout. Là, exactement. Ça permet, c'est très, très puissant. Ah, ouais, et l'application qu'ils ont sorti cette semaine, les gars ont été vite parce que elle a un look iOS 7, cette application-là. C'est carré. Elle est très blanche et carrée. Elle est très belle, puis elle est très iOS 7. Ouais. Fait que les gars ont travaillé fort. D'après moi, ils ont fait leur truc. Ils ont attendu qu'Apple sorte la nouvelle affaire, puis ils ont travaillé rapidement sur le look le design, de l'application. Ça fait exactement ça vraiment toutes la les peine. Mêmes fonctionnalités là, que l'interface web. C'est même plus c'est pratique plus facile. Pour... moi, je trouve ça mieux. Là. C'est plus rapide là, pour avoir accès. Oui, parce que tu n'es pas obligé d'aller chercher tes recettes. Tu n'es pas obligé de les dropper à droite. Tu es là direct en face de toi. Il y a même, en fait, un espèce de magasin de recettes où est-ce que tu as les recettes qui trendent, les recettes qui viennent d'être mises. Parce que quand tu fais une recette, tu peux te la garder privée. Si tu fais comme, oh, ça, c'est vraiment le shit, ça va vraiment m'aider. Ou tu peux la mettre publique en disant, bon, ben ça, le monde je suis gentil, les gens vont pouvoir... j'ai déjà été dans le palmarès des recettes avec mes recettes de Mac Québec. C'est vrai? Ouais, j'ai déjà eu pendant quelques jours. C'est des recettes qui, par exemple, les recettes que tu as programmées, c'est quand un article est publié sur le site WordPress de Mac Québec, automatiquement, il y a quelque chose qui va être mis sur Facebook et il y a quelque chose qui va être mis sur Twitter pour avertir les gens de venir regarder notre contenu. Puis dans l'application iOS, il y a même un genre de timeline des... Des triggers de recettes, là, finalement. Fait que je vois exactement comme la dernière recette qui s'est déclenchée, c'est celle-là, à telle heure, puis ça l'a fait ça, puis ainsi de suite là, pour toutes les autres recettes là, que j'ai. C'est même possible, en fait. Il y a des appareils, il y a Belkin qui a sorti des boîtes programmables dans lesquelles tu branches quelque chose. OK? Fait que c'est une boîte que tu rajoutes à ta prise de courant. Mm-hmm. Cette boîte-là se connecte sur Internet et peut être programmée. Et dans If This Then That, tu peux de déclencher... Une lumière? Quelque chose qui est plugué à ça. J'aime ça sur mon TRS-80, moi. Oui. Effectivement. Par exemple, channel de la température avec ton air climatisé qui est plugué dans ce bidule-là. Mon air climatisé quand la température arrive à tel truc. Donc, il y a comme possibilité de se créer de l'espèce de domotique de base ou de la ghetto domotique. C'est juste avec cette chose Belkin-là. Tu peux contrôler You aussi? Je pense que You a été intégré à ça. En tout cas, peut-être les nouveaux Nabaztag aussi qui ont été... Il intègre beaucoup de nouveaux services, pas de semaine en semaine, mais de mois en mois. Là, ils ont été financés, ils ont eu du venture capital. Ils peuvent rouler, puis c'est un super service. Ça roule en tabarnouche, leur affaire. Puis pour un paquet de détails, il y a notre ami Benoît Descaries qui écrit souvent sur le service, sur son blog, fait que vous pouvez aller voir... Ça va en prendre, la bande passante, par exemple, avoir un service comme ça, rouler ça sur un serveur, il faut que ça vérifie... Ça look, puis effectivement, au niveau de bandwidth, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher leur cash parce que c'est gratis. Oui. Ben, y a un genre de blog, puis il y a une version premium qui s'en viendrait. Ah, excellent. On va l'acheter. Il n'y a pas de détails sur c'est quoi, mais j'utilise le service beaucoup, puis je vais probablement l'acheter. Là, si c'est pas un prix de fou, mais ce ne sera sûrement pas un prix de fou. C'est ça. Ça fait pas mal le tour. Uh-huh. C'est super d'utiliser YouTube Live, mais malheureusement, moi, à cause du lag, je trouve qu'il y a un manque au niveau du... De la discussion avec le public. On va vous demander, les gens qui sont encore en ligne, il y en a 13, on est habitué à avoir un petit peu plus de gens que ça. Donc, on va vous demander, vous pouvez communiquer avec nous par les médias sociaux, un peu partout, pour nous dire qu'est-ce que vous aimez mieux. Est-ce que vous aimez mieux la discussion qui se passe sur Spreecast, même si la qualité vidéo est peut-être moins intéressante? Ou vous aimez mieux la qualité vidéo plus intéressante, parce qu'on est en HD sur... Oui! Donc, on est en HD, mais on n'a même pas une caméra HD de toute façon. C'est que... Non, c'est ça. L'image est très belle. L'image, oui. Rien à dire. Oh, mais ça, c'est juste du beau monde. Ça serait plus... Oui, c'est ça. Ça aide. Mais est-ce que vous aimez mieux, donc, utiliser Spreecast parce que la discussion, selon moi, est plus intéressante? On recevait beaucoup plus d'informations de la part des gens sur Spreecast. Le chat était plus rapide. On voit encore des informations, mais c'est juste qu'on les reçoit avec un délai de 2-3 minutes, puis là, on parle déjà d'autres choses. Exactement. Il y aurait peut-être à retravailler, mais on n'a pas le contrôle du délai, justement. On va voir ça. Sinon, en fait, on se revoit au mois d'août. On ne sait pas encore quand. Ça sera un autre podcast Barbecue Mr. Freeze Edition. Dans ta cour. Oui, dans ma cour. Ça serait cool, hein? Ça serait cool. Descendriez-vous à Pointe-Calumet? Non. Dis non. Lui, il a comme un malaise quand il sort, quand il passe un pont. Non. C'est comme ceux qui habitent dans le village qui sont pas capables de sortir du village gay en 4 mois. Non, c'est ça. Ouais, même combat. Aïe. Sinon, Mathieu, où peut-on te retrouver sur les internets? Sur les internets, en fait, sur le Fonds de quartier de Montréal, fcmtl.com. Article sur tout ce qui est applications créatives, caméra, jusqu'à beau design. On a les podcasts aussi. On a un fil YouTube avec, on est rendu à 350 podcasts. Là. fait que qu'on tient depuis des années. Fait que si vous avez besoin de savoir comment fonctionne une caméra ou un logiciel, en fait, on... Avez-vous commencé vos shows là, qu'on a vu quand on est au Studio Canada? Oui, mm-hmm. L'autre site, c'est le site de Mon Studio Canada, qui est monstudiocanada.com, qui est en fait un site sur lequel à chaque semaine, on met une vidéo. Et aux deux semaines, c'est une émission d'une demi-heure qui parle de production, de post-production, et on rencontre une compagnie de Montréal. Fait que on parle d'une caméra, on parle d'un logiciel, puis on va rencontrer... on a des tournages bientôt sur Shape qui font des rigs. Il y a un développeur de logiciels de chez Autodesk. On est allé chez Autodesk, on a mis l'entrevue là-dedans aussi. Fait que il y a un site aussi, si le monde a des questions, veulent proposer des sujets, veulent venir parler d'un de leurs projets. Bien ouvert, on a... Excellent. De l'information à l'état pur, c'est ça qu'on aime, nous, à Mac Québec. Et on va probablement commencer, en fait, à vous avertir, les gens de Mac Québec, quand le front va sortir. J'aime ça dire le front. J'ai l'impression d'être Benoît Mercier qui parle du front froid. Ouais. Donc, le front créatif va sortir des capsules de Mon Studio au Canada. On vous donnera pas toute l'information. Vous irez sur leur site. Mais au niveau des podcasts, on risque de vous avertir de ce côté-là. Sinon, Jean-Michel, où peut-on te... juste une seconde, as-tu donné ton Twitter? Twitter, c'est I love you. I-L-O-V-E-H-U-E. Ça, c'est le mien. Puis sinon, il y a Front Créatif MTL, qui est celui du Front Créatif. Front Créatif MTL. Excellent. Je pensais que tu me faisais une déclaration. Vas-y, JM. Ben, moi, on peut me rejoindre sur Twitter au JM_BOILY, ou bien sinon, sur les différentes parties du site Mac Québec. J'ai été moins actif au cours du dernier mois. Là, maintenant, ça revient. Comme tu réponds un peu aux questions, là, je trouve que... Non, mais je trouve que les auditeurs aussi se laissent aller, il n'y a pas de questions. Ouais, c'est ça. Fun d'avoir une question, la dernière date, il y a comme 3 semaines. Non, je sais bien, Là, je suis là, je réponds. L'été. C'est ça, c'est l'été, là, fait que c'est comprenable. Okay. Benoît, où peut-on te retrouver sur les internets? Moi, j'arrête pas de parler de Max sur Mystérieux E. Donc, le compte Twitter des Mystérieux Étonnants, mais également mon compte Twitter à moi personnellement. Et tous les lundis à partir de 17h30 sur Choc FM, choq.fm. Sinon, en balado à partir de 1 minute après la fin de l'émission, donc 19h01, le podcast est déjà en ligne, Mystérieux Étonnant. Monter tout le kit. Nous autres, il n'y a pas de montage. Si on dit une connerie, ça s'inclut, c'est là. Puis ça donne la dynamique que ça donne. Fait que on continue. Vous n'avez pas pris de vacances? Moi, ça fait 7 ans et demi que je prends pas de vacances. Les seules vacances qu'on prend, moi, les mystérieux, c'est à Noël, quand l'université prend une pause. Donc, il y a un mois où on n'a pas de... Oui, c'est ça. Mais on prend ce temps-là pour faire notre spécial de Noël, justement, auquel Alexis t'a invité. Puis toi aussi, l'année passée. Mais t'es pas venu. L'année prochaine, peut-être, l'équipe de Mac Québec pourrait être là. On essaie d'amener ça peut-être à un autre niveau. The next level. Yes. The next level. Donc, voilà. Même, en fait, quand les policiers tapaient, vargeaient à l'extérieur, puis ils n'étaient pas nécessairement capables de faire la différence entre un étudiant et toi. Ça ne faisait pas partie du mandat, je pense, de toute façon, entre une femme enceinte et un poteau. Là, c'est ça. Ils tapaient. Là, Vous êtes rentré quand même à l'université, puis vous avez fait votre show. On a fait notre show. Une ou deux fois. On est rentré, on a passé dans le gaz qui avait été dispersé sur l'université. C'était vraiment agressant. Mais regarde, il aurait fallu avoir les mystérieux sortir du nuage de gaz au ralenti. Non, mais c'est ça. En tout cas, mais on lâche jamais. Fait qu'on est là. C'est bon. On essaie. C'est pas tout le temps bon, par exemple. Mais c'est à chaque semaine. C'est souvent bon, honnêtement. Merci. Jeff, où on peut te retrouver sur les intertubes? Ben moi, on peut me retrouver sur mon compte Twitter, @jeffroy1979. Sur le compte de Mac Québec de temps en temps. C'est ça. Et chez Uniprix. Et dans Hochelag, maintenant. Oui. Yes! Oui. Hochelag. Excellent. C'est le nouveau plateau. Mais moi, dire franchement, à l'est de Pinneuf, là, c'est... Ouais. C'est le nouveau Hochelaga, là. C'est comme... Ouais. C'est l'enfer, là. C'est un condo que j'ai chez nous. Ça se développe... C'est très beau. Sans bon sens. C'est beau pour le monde qui peuvent se le payer, mais ça fait que le monde, ils vont plus vers les... Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Je voulais aussi, puis là, j'ai trouvé ça. J'ai oublié ça. C'est un charme. OK. Excellent. Donc, on n'a pas entendu parler de toi sur Twitter trop durant les dernières semaines parce que tu déménageais. Mais t'es quand même pas mal là. Je te vois avoir pas mal de discussions. Ouais, là, j'ai fini. Je recommence. Là. Fait que la semaine passée, il me restait une semaine de vacances. J'ai pris ça, mais là, je recommence. Là. Excellent. Okay. Donc, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier. C'est d'accord. A-L-E-X-C-O-R-N-E-2-L-I-E-R. Vous pouvez aussi faire appel au service des techniciens de ClickPom via Mac Québec dans la section services, en fait. Et sinon, ben, suivez-nous sur le site de Mac Québec, sur la page Facebook de Mac Québec, sur le compte Mac Québec Twitter, et aidez notre ami Jean-Michel à répondre à des questions, parce que sinon il va se rouiller, sur Mac Québec Entraide. Achetez des produits Apple de seconde main sur lesmac.com. Oui, les Mac, c'est vrai, on n'en parle plus de les Mac. Et participez au concours Mac Québec. Le prochain concours aura lieu en septembre, on laisse celui-là se terminer. Là. Exactement, un Apple TV à gagner pour le concours Mac Québec de septembre. Ouais. Ça va être malade. On espère que vous allez participer en grand nombre. Et vous avez jusqu'à demain pour participer au concours offert par Coopicam, une carte cadeau de 100 $. J'ai toujours participé, moi. J'ai plus le droit de participer, moi. Non, t'es comme... Attends, tant que... Je sais, il va m'aimer. Tant que Jake Dion n'est pas un officiel mystérieux étonnant, t'es pas un officiel podcast Mac Québec, donc tu t'emmerdes. Je te passe ça à l'île. Salut tout le monde. On se revoit au mois d'août en quelque part. Ouais. On vous avise sur les médias sociaux. Bye. Bye.